at my own damn game. Mariage, mais je suis sonné. Ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma. gagnes pas 5 000 euros, tu gagnes pas 6 000, tu gagnes 10 000 euros. Non, non, non. Céline, 10 000 euros, c'est ce qu'on t'a. Oh, oh, oh, 10 000 euros, ma petite Céline. Non, mon Dieu, c'est pas vrai. Si, voilà. Tu viens, oh là là, tiens, en bandage, j'ai envie de t'embrasser. Viens, je t'embrasse. Oh, mon Dieu, c'est pas vrai, je tremble de partout. Tu gagnes 10 000 euros, c'est une vanne, je vais pas le faire vraiment. Ah, 10 000 euros, Céline, c'est que l'on va t'envoyer chez toi à la maison dans quelques jours. Oh, merci, merci. Une bande de ouf enfermée dans un studio vont te faire oublier que t'as eu une journée pourrie. C'est Coé, c'est le Bifor. 17h-18h sur Énergie. Et c'est rien par rapport. C'est rien par rapport au samedi qui vous attend, puisque c'est un samedi un petit peu compliqué, autant pour ceux qui vont décider de manifester, qui auront froid, parce que c'est un samedi très froid en plus. Oui, c'est vrai en plus. Pour l'ensemble de la France, non mais faut le dire. Donc prévoyez, le gilet jaune, c'est pas que ça. Hein. Soyez pas torse nu sous le gilet jaune, il y aura 3 morts. Ouais, mettez des couches en dessous. Le pull, 2 pulls, 3 pulls et le gilet jaune. Alors prenez le gilet jaune, 3 tailles au-dessus parce que vous serez rembourré. Nous allons parler de pas mal de choses aujourd'hui, évidemment. Nous parlerons de la manifestation, évidemment. Nous aurons le zap télé de Mico dans un instant avec quoi ? On parlera de Perdu au milieu de nulle part, la nouvelle émission de W9. Ah, j'ai pas vu, c'est bien ? Ouais, c'est bien. C'est vrai ? C'est un espèce de Pékin Express avec des people. Moins cher. Moins cher. D'accord. Ils sont que deux. C'est Clermont-Ferrand Express. Ils vont pas à Pékin, pas le budget. Voilà. Ils vont en TER, ça prend une bonne semaine, ils reviennent en diligence. Non, même pas, c'est devant un fond vert. On aura tout à l'heure des champions du monde de l'actu à ne pas rater aujourd'hui, ils sont incroyables. J'aurai le classement. Vous êtes fan de vos toutous, vous nous écoutez peut-être en voiture. Oui. Nous aurons le classement 2018 des noms de chiens. Puisqu'il est sorti, ah oui, il y a des gens qui ont que ça à foutre. Nous aurons dans l'actu 2-3 infos, des nouveaux gants qui sortent pour ceux qui font de la moto ou du vélo. Il y aura, attention, il y a un insecte qui vous pourrit de plus en plus la vie et qui nous pourrit la vie. Je vous en parlerai dans quelques minutes. Nous reviendrons sur une bonne invention pour les gens qui nous écoutent, qui sont en fauteuil roulant. Il y a un type qui a inventé quelque chose de nouveau. Et puis des nouveaux calendriers. Ça y est, c'est la période des calendriers. Oui. Ah ouais. Les dieux du stade vont venir nous agacer avec leur musculature leurs zizites de 1m50. Il faut 4 pages pour les voir. Ils sont pas humains, les mecs. Non, on voit que des fesses. C'est pas des sexes qu'ils ont, c'est le pont de Brooklyn. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans la vraie vie, les mecs, ils font les sauts à la perche avec. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Impossible, j'ai jamais vu. Moi, enfin, sur moi, j'ai jamais vu ça en tout cas. Ah bon, oui, sur toi. Jamais. Pourtant, j'ai regardé. Moi, ce serait Monsieur Décembre. Vous voyez que le froid. Mais toute l'année. Je veux bien le faire au milieu des zones sportives, mais je fais l'hiver. Ce sera justifié. On dira non, mais on le comprend. C'est plus petit que les autres, mais c'est décembre. Bon, nous aurons tout à l'heure le top 10 de comment trouver un mari. Beaucoup de filles célibataires peut-être nous écoutent. Il y a une youtubeuse, je crois que c'est en Angleterre, qui a référencé sur internet, qui a mis le top 10, les 10 meilleurs conseils pour trouver un nouveau mari. La compile des gilets jaunes tout à l'heure. Nous aurons ce soir France Pays-Bas ou Pays-Bas France, oui, football Pays-Bas France. Nous aurons donc, merci monsieur, Didier Deschamps. Et puis 10 000 euros, vous voulez les gagner vous aussi, 7-10-12 par SMS, mettez Coé au début de votre message et je vous appelle tout à l'heure. Mais avant de présenter l'équipe, je commence par saluer une petite ville qui s'appelle Montigny en Goël, c'est dans le Pas-de-Calais. Ah, je connais bien. Tu connais ? Ouais, ma marraine habite là. Eh ben, on s'embrasse ta marraine. Il y aura le marché de Noël à Montigny en Goël. Alors, vous allez me dire, ils ont fait le plan du marché de Noël qu'ils ont publié. Ça n'a rien d'exceptionnel jusque-là. Non, non. Sauf que c'est une petite ville, donc c'est un petit marché. Donc ils ont décidé les petits stands. Ouais. Avec le petit chemin. Oui. Sauf que. Ah bah, sauf que quand on voit le schéma, ça fait une tub. Je vais vous la faire courte, c'est une tub avec les deux sacoches en dessous. Et les mecs expliquent qu'avant il y avait le petit marché de Noël rond, vous voyez, ouais. Et ils y ont fait une extension, mais ils n'ont pas pensé que l'extension ça ferait le zizi. Voilà, alors, là c'est la totale. Là, et puis en forme, hein. Eux c'est pas décembre, hein, c'est juillet-août. Hein. C'est le zizi en forme. Et alors il paraît que ça fait rire la mairie, évidemment, ils s'en étaient pas rendu compte. Je me demande jusqu'à quel point il faut avoir une inactivité sexuelle à ce point pour que quand tu fasses un plan de Noël, excusez-moi, qui ressemble à une bite, tu ne le vois pas. C'est fou quand et même. Et tu le mets en impression et tu l'affiches dans toute la ville, et il y a un moment, il y a quelqu'un qui dit, tu croirais pas qu'on dirait, fais voir, oh peut-être. Oh, vite fait. Non, faut Mister Magou arrêter de bosser à la mairie. Hein. Bon, bah, l'entrée se fait au niveau des coucougnettes. Et alors, il a pas tort, parce que la sortie se fait exactement en bas, comme vous pouvez l'imaginer, ouais. Et l'entrée, c'est par le bout du zizi, c'est écrit. Hein. Et même l'entrée, on dirait le. Oui. Le bout. C'est mignon. Non, ils sont imaginatifs. Allez, présentation de toute l'équipe. Ça y est, c'est le week-end. C'est un week-end de calme, faut dire qu'il a fait fort le week-end dernier notre réalisateur. Donc week-end repos et détox. Il ne fera que 4 apéros au lieu de 122. C'est Bichette qui est avec nous, qui est notre réalisateur. Bonsoir. Bienvenue Bichette. Il a décidé de suivre l'opération des gilets jaunes ce week-end. Lui aussi va gérer un blocage, celui de son appartement. Il va mettre son beau gilet et empêcher quiconque de passer chez lui pour rester tranquille devant sa PS4 et son nouveau jeu où il fait du cheval à longueur de journée. C'est Miko qui est avec nous. Bonsoir. Elle aussi a décidé d'aider les gilets jaunes ce week-end. L'avantage, c'est qu'elle seule, notre productrice, peut bloquer un carrefour. Oh non, non. Non, attendez, pas physiquement, c'est pas ce que j'ai dit. Ah d'accord. Oui. Je veux dire que quand tu vois Stouff en train de gueuler avec un gilet jaune sur elle, bah tu passes pas. Ah oui, d'accord. Sauf si tu es suicidaire. Ouais, c'est mal Stouff qui est avec nous. Non, vous avez cru qu'elle pouvait bloquer un carrefour. Bah enfin, non, ça enfin, va, oui. Enfin. N'importe quoi. N'importe quoi. Voyons. Mais non, les Champs-Élysées peut-être, mais pas. Ce week-end, il va mettre son bon vieux survêt et ses belles baskets. C'est bien, mon Jeff, c'est la première étape. Ouais. Prochaine étape, lever ton cul du canapé et faire du sport. Mais tu as raison, chaque chose en ton temps d'abord, et c'est les vêtements. C'est mon Jeff qui est avec nous. Bonsoir. Bravo. Et puis mon Bordas qui est avec nous, qui gère les réseaux sociaux, il est comme un fou. Il est très content de l'opération Gilet jaune pour ce week-end, vu que le magnifique pull qu'il avait mis l'année dernière au Energy Music Award est rétréci en sortant de la machine à laver et ne lui va plus. Non. Le gilet jaune, ça fera son affaire, c'est bon. Comment ? Qui vous a dit ça ? Oh, je le sais, je suis au courant de tout. Monsieur de Fursac, la griffouille de l'homme. Allez, bienvenue, voici Jean Gézera, dans un instant les champions de l'actu. Grown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around. See what I mean? There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator. A navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. A deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Merci de nous avoir choisi. Attention, on est là tous les soirs de 17h jusqu'à 18h, c'est l'émission en public. Merci de nous avoir choisi. Je rappelle quand même que tout à l'heure vous allez pouvoir jouer avec nous et gagner. C'est tout ce que je vous souhaite. Beaucoup, beaucoup. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout ce que je vous souhaite. Jusqu'à 10 000 euros, 7, 10, 12 par SMS. Non, il faut que je. Non, c'est ce que 1, 2, test de prononciation. Aïe, Nakamura, Aïe, Nakamura, Aïe, Nakamura, Aïe, Nakamura, Aïe, Nakamura, Aïe, Nakamura, Aïe, Nakamura. C'est bon, je l'ai fait. Avant d'avoir les champions du monde de l'actu, Akanayama. Ah, ça y est, voilà. Arrête. C'est perdu. Avant d'avoir les champions du monde de l'actu, je voudrais vous dire qu'ici à Énergie, je vous explique tout, je vous dis tout ce qui se passe. C'est un peu comme disent les jeunes, le branle-bas de combat, puisqu'il y a une coupure d'électricité. Ah oui, c'est vrai. Il y a, il y a des travaux qui sont faits, donc il y a une coupure d'électricité. Il y a un énorme générateur qui est mis devant énergie, qui va servir à gérer tout le, toute l'électricité du bâtiment. Donc, je vous explique un truc. Vous qui m'écoutez en voiture, comme on dit toujours qu'il faut avoir Sam. Sam, c'est celui qui conduit, celui qui boit pas. Il faut toujours avoir Sam, le conducteur désigné. Et bien maintenant, il va falloir avoir un Coé, puisqu'à tout moment, si l'électricité s'arrête, peut-être que je suis plus là. Donc, il fait qu'à côté de vous, il y a un Coé qui prenne la suite. D'accord ? Donc, je vous donne une vanne. Comme ça, vous pouvez tenir au moins 3 minutes. On y va. Vanne de secours. Si jamais il n'y a plus d'électricité, okay. Qu'est-ce qui a 123 yeux et dedans? Qu'est-ce qui a 123 yeux et dedans? Un autobus de personnes âgées. Non. Voilà, gardez-la, stockez-la. Elle servira peut-être jamais. Mais... C'est pas vrai. Non. Il y a une panne de courant. Tu l'auras pas donné. Vous la sortez comment? Tu leur as pas donné cette vanne. Mais si, mais si, mais au cas où il y a une panne de courant, mais c'est ça n'arrivera jamais. Ouais. Champion du monde de l'actu. Je vous en fais deux. Il y a 3 semaines, c'était le plus gros tirage Méga Millions aux États-Unis avec un gain de 1,5 milliard de dollars. Vous savez qu'en France, il y a un type, il y a un bureau de tabac qui attend toujours son millionnaire. Oui. Eh bien, là-bas, aux États-Unis, dans le même, il n'est pas allé chercher son pactole. Légalement, il a 180 jours pour aller le chercher, soit jusqu'au 21 avril. 21 avril. 1,5 milliard de dollars. Mais qu'est-ce qu'il attend? Mais moi, je pète les plombs à ce prix-là. 1,5 milliard de dollars. Moi, je pèterais les plombs, je deviendrais fou. Fais quoi? Je sais pas, je fais le plein d'essence. Un truc de dingue. Mais oui, bien sûr. Je m'achète que des gilets jaunes, je me fais une maison en gilets jaunes. Minimum. Super champion du monde. C'est un ado de 15 ans qui a raté son ferry qui se rendait à Tahiti depuis Moréa, soit 20 km. Et il a décidé de faire le trajet à la nage. Il s'est dit, c'est bon, je le vois à le bout, donc ça doit être faisable. Il a été récupéré à 6 km de Moréa en pleine nuit, complètement épuisé. Il a failli se noyer. Il pensait que ça allait le faire puisqu'il avait sa planche de. Vous. Bienvenue tout le monde, merci de nous avoir choisis. Dans un instant, nous aurons le classement des noms de chiens 2018. Gros changement cette année-là et 2018. Plus pas mal de surprises et peut-être 10 000 euros pour un vendredi. Qu'est-ce qu'on écoute? Big Flo et Oli. J'adore. Et la vidéo, ils sont samedi dans l'émission sur Énergie 12. Je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux. Que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. Et la nuit dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Plus tard, et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard, et je comprends pas. Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière. Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle. Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. J'ai pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. je comprends pas. Mick Flo et Oli qui seront donc dans l'émission de demain soir, samedi 23h10 sur Énergie 12. Le meilleur de l'émission que vous avez entendu vendredi dernier, avec des choses que vous n'avez jamais vues. Le Tamer en slip avec Mick Flo et Oli, vous ne l'avez pas vu. Vous n'avez pas vu non plus Shawn Mendes. Vous n'avez pas vu la chambre que l'on a redécorée de Soprano. Grand moment, il s'en souvient encore, il est en tremblement, il parle. Plus les coulisses, la visite des coulisses d'Energy Music Awards, vous allez adorer. Le hashtag de ce soir, aujourd'hui, journée internationale de la tolérance. Exactement. Il faut être tolérant avec tout le monde. Ouais. Tolérant. Hein, Mico, avec ton bordel, il faut être tolérant. Alors, le hashtag, juste c'est quoi aujourd'hui, alors. Le hashtag Mister. Alors, c'est rien, mais ça m'énerve. Boy, c'est simple. C'est, oui. Non, c'est rien. Quand ils oublient les pailles au McDo. Ah, c'est rien, mais ça m'énerve. Ah, les sauces. Il a complètement raison. Oh, c'est là, le genre. Là, là, là, là, ça, ouais. fait pas c'est retarder vrai. Le monde. Oui. Il y a plus malheureux sur Terre, mais ça nous rend ouf. Ah, ils sont chiants à boire ouais. leur gobelet. On peut piquer une colère pour deux pailles. C'est on est, sûr, on est devenu idiot quand même. Et les sauces. Eh ben voilà, il n'y a pas de paille. Il n'y a pas de paille. Comme d'habitude. Eh ben la soirée, elle est gâchée. Gâchée. Bah merci, Michel. Merci, c'est une belle soirée. Ah bah bravo, bravo hein. Non mais c'est vrai, on c'est peut ça. Devenir fou pour des serviettes. Des serviettes on s'en fout, on a les jeans. Paille. Mais les... Parce que même si t'as des pailles chez toi que tu mets dans ton gobelet, c'est pas la même non, chose. Non, voilà, je suis d'accord. Non, c'est pas pareil. Dans pas un pareil. Instant, nous aurons le top 10 des conseils pour trouver un bon mari des filles célibataires. Nous aurons un nouveau calendrier mieux, plus fort que les dieux du stade, plus fort que Clara Morgan, le Zap télé de Mico. Nous aurons la compile des gilets jaunes. Mais avant, je voudrais vous dire qu'il y a un animal qui va partout maintenant. Ce sont les punaises de lit dans toutes les grandes villes de France. Oui. Il y a des millions de punaises de lit. En gros, on en a même retrouvé maintenant dans les sièges de cinéma. Oh. Il y en a partout. Qu'est-ce que c'est que ces punaises? Alors avant, elles étaient avec nous quand on dormait. Oui. Ouais. Maintenant, elles vont au cinéma. C'est quoi? C'est des punaises michto? C'est quoi? Qu'est-ce que... Maintenant, il faut raquer une place de cinéma, la punaise. Tu fais péter les bruits. Mais tu sais quoi? Bientôt, elle te dira à la fin de la soirée, elle dira, tu peux m'envoyer à Uber, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai faim. Mais même si, mais t'as tout de suite, on revient. Êtes-vous prêt à gagner 10 000 euros? Écoutez ce son. C'est le son à 10 000 euros sur Énergie. Manu qui appuie sur un bouton pour lancer un jingle. Je pense que tu débranches une prise. Lundi matin à 8h30. Écoutez Manu dans le 6-9 sur Énergie. Trouvez-le. Et gagnez 10 000 euros cash. Oh putain. C'est facile. C'est le son à 10 000 euros. 10 000 euros. 10 000 euros. C'est uniquement sur Énergie. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le dîner d'Eva qui change. Avec le pavé de rhum steak à 9,95€ le kilo. 9,95€ le kilo. Eva, le rhum steak, c'est sans doute l'une des meilleures pièces de bœuf. Bon, à égalité avec le rhum steak, bien sûr. Tu peux pas te tromper. Jusqu'à ce soir, vos magasins Auchan et Auchan Drive proposent le pavé de rhum steak à 9,95€ le kilo. Et votre dîner change. Auchan. Offre valable aujourd'hui seulement, viande bovine rhum steak 3 étoiles en pavé à griller en barquette familiale origine France. T'as vu la nouvelle Ford Focus SW sur le parking? Oui. Oh, quel coffre! C'est le break avec le coffre le plus large de sa catégorie. Et la Ford Copilote 360 avec toutes les aides à la conduite, assistance au stationnement sans toucher au volant et aux pédales. Ah, quand même! Et sans oublier le démarrage à distance avec l'application Ford Pass et les commandes vocales avec Sync 3. Ah, oh, la voiture du futur. Comment tu sais tout ça? C'est ma Ford Focus SW. Pendant les Ford Drive Days, faites l'expérience de la conduite du futur en essayant la nouvelle Ford Focus en version 5 portes ou SW. Vanford.fr. Intermarché vous propose d'écouter le prix du week-end. Alors, ils annoncent quoi pour cet hiver? Bah, comme d'hab, un foie de canard. Dès aujourd'hui, le bloc de 290 grammes de foie gras de canard du Sud-Ouest Labéry est à moins 30%, soit 12,53€. Et c'est seulement jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine France, bloc de 290 grammes, soit 43,21€ le kilo. Pour votre santé, évitez de grignoter. Téléchargez l'appli Énergie, gratuite. Sans abonnement, avec 150 radios digitales. Énergie, hit music only. Sephora. C'est Black Friday avant l'heure chez Sephora et c'est complètement dingue. Nos parfums et coffrets parfums sont à moins 30%. Alors n'attendez plus. C'est le moment de vous enivrer de nos fragrances irrésistibles et d'attirer toutes les convoitises sur vous. Mais attention, vous n'avez que jusqu'au 26 novembre pour profiter des moins 30% et céder à vos coups de cœur parfumés. À très vite chez Sephora. Voir conditions en magasin et sur Sephora.fr. Sephora, au cœur de la beauté. Machine de verre et d'acier, elle débarque sur Terre pour sauver notre monde. Ses super pouvoirs, caméra de recul, démarrage sans clé, connectivité avancée, maniabilité optimale, optique LED.

C'est quoi cette histoire? Bienvenue en tout cas sur Énergie, merci d'être là. Merci d'être de plus en plus nombreux à être avec nous. Vous êtes plus d'un million 620 000 à nous écouter tous les jours. Tout à l'heure, je vous offrirai peut-être 10 000 euros, c'est tout ce que je vous souhaite. Si je vous appelle, vous me trouvez la bonne enveloppe. Je vous réexplique le principe, il est simple. Nous avons deux enveloppes à 10 000 aujourd'hui. Deux à 10 000. Une à 500, une à 1000, une à 100, une à 5 euros. Trouvez-moi la bonne enveloppe et repartez avec l'argent et le montant qui est à l'intérieur. Comme ça, vous pourrez gagner des euros avant l'apéro. La vie est belle ? Ouais. Ouais. Allez-y, faites-vous plaisir. Des euros avant l'apéro. C'est beau, on va pas le garder, il est pas officiel. Allez, hein. Non, on n'en fera pas de jingle de celui-là. Et en tout cas, je vous souhaite un bon week-end qui va être difficile. Courage pour ceux qui prennent la route demain. Et puis courage pour ceux qui vont aussi manifester parce que vous avez raison de défendre vos idées. Après, on peut ne pas être d'accord par le biais que vous utilisez. Ouais. Mais tout le monde a raison de défendre ses idées. Et courage pour le froid parce qu'ils annoncent un week-end très très froid. Oui. Hein ? Vous allez nous choper un petit rhume. Les gars, vous allez rentrer chez vous dimanche. Votre femme dira: t'avais qu'à pas y aller avec tes gilets jaunes. T'as qu'à rester à la maison. Dans un instant, nous aurons peut-être donc les 10 000 euros pour vous. Le Zap Télé de Mico avec quoi, Mico? Eh ben, on parlera de l'émission de W9 perdue au milieu de nulle part. Et en 1958, sur Facebook, ça c'est une jeune américaine qui a partagé une liste de conseils qui est sortie en 1958 dans un magazine. La couverture, ce sont les... J'adore. 58 quand même, mec. Bah c'est 58. Ah bah là c'est plutôt la libération de Paris. Là on est en hey, les Américains, bon. Bienvenue. C'est très bien que moi les chiffres c'est compliqué. Ouais, c'est à 20 ans près, c'est bon. Si tu nous fais la libération en 58, ça te fait plaisir. Donc, à l'époque, ils avaient fait donc la liste pour trouver un mari idéal. Le magazine avait demandé à 16 experts, dont une hôtesse de l'air, un ingénieur, une mère au foyer, de réfléchir au meilleur moyen d'attirer un homme. Voici donc les résultats. N'oubliez pas, on est en 1958. Je vous fais pas les 129, c'est trop long. D'accord. Je vous en fais juste 10. C'est moi qui gère la musique. D'accord. Classement. Allez, on y va. Lisez les rubriques nécrologiques pour trouver de potentiels veufs. Non, 58, ça se faisait. Perdez-vous à un match de football. Trébuchez en entrant dans la pièce où il se trouve. Oh mince. Ah, j'ai failli tomber. Trébuchez. Restez dans un coin et pleurez doucement. Il y a de grandes chances pour qu'un homme vienne et vous demande ce qui ne va pas. C'est vrai, ça. Ça peut marcher. Ça dépend du physique. À l'époque, peut-être. Ouais, c'est ça. Parce que si t'es pas belle, tu peux pleurer toute ta nuit. Hein. Personne peut venir. Riez à ses blagues. Ouais. On va la tester. Comment s'appelle un boomerang qu'on envoie et qui ne revient pas? Je ne sais pas. Un bout de bois. En 58, ça pouvait passer. Mettez-vous au régime si c'est nécessaire. Oh, le truc qui passe plus aujourd'hui. La violence. Ne pleurnichez pas. Bah, il y a 5 lignes au-dessus. On te demande de pleurnicher. Ensuite, faut pas pleurnicher. Porter des talons la plupart du temps, c'est plus sexy. Oh, je vous confirme, en 2018, on trouve toujours ça sexy. Ne soyez pas trop difficile. Pareil. Et là derrière, n'ayez pas peur de fréquenter de jolies filles. Vous pourriez bien mettre la main sur leur reste. Qu'est-ce que c'est moche. Ça se dit pas. C'est-à-dire toutes les filles que les sont jolies. Non, elles sont jolies, elles ont des gars qui viennent. Et si elles n'en veulent pas, toi t'arrives derrière, tu fais: oh, bah, je les récupère. Je suis là. Bienvenue tout le monde, voici Imagine Dragons. Will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace, face a bit of the truth, the truth. inside me. I'm fading black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head. Won't break it, I can taste it. The end is upon us, I swear. I'm gonna make it. I'm gonna. Avant de vous offrir beaucoup d'argent, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la tolérance. De la tolérance. Donc le hashtag du jour, c'est rien, mais ça m'énerve. Voilà. Comment il le dit ? C'est rien, mais ça m'énerve. On n'est pas tolérant alors, ça nous énerve. On en parlera dans un instant, c'est le hashtag du jour sur Twitter. Amusez-vous, on verra si c'est classé dans les tweets les plus commentés. On en lira quelques-uns. Faites-vous plaisir. Et puisqu'on est dans la tolérance, la bonne conduite, oui. Ils vont faire maintenant des vélos, des gants smileys quand vous faites du vélo. Je trouve ça trop mignon. Ouais, c'est-à-dire, en gros, à l'intérieur, c'est un smiley. Ouais. Et quand tu doubles, tu vois un conducteur, tu lui fais un signe de la main, il voit un smiley. Ah, c'est super. Okay. Je trouve ça plutôt mignon. Ça va se vendre partout, ce gant. Alors, je dis quand même au conducteur, si vous voyez dans votre rétro un gant smiley avec au-dessus une coiffure d'Indien à l'iroquoise, c'est un doigt d'honneur. Hein. D'accord. Je vous préviens quand même. Vous avez tous votre enveloppe ? Oui. C'est sympa, il y a un petit Indien derrière. Il a un gant indien. Non, c'est pas ça. On appelle quelqu'un qui s'est inscrit au 7-10-12. Oui, Myriam. Oui. Je m'appelle Koé, on est sur Énergie. Koé. Comment ça va, Myriam ? Ça va, et vous ? Ça va très bien. Est-ce que tu as passé une belle semaine ? Parfaite. C'est vrai, tu fais quoi dans la vie ? Parfaite. Je suis conseillère en produits financiers. En produits financiers ? Ouais. D'accord, oui. Très bien. Tu as des enfants ? Oui, deux. Comment ils s'appellent ? Benoît et Adem. Et Adem. Adem. Adem, oui. Adem. Lui fais pas faire l'Energy Music Award, Nikos va se planter. Hein. Adem, Adem. Adem, Ayed Adem. Ayed avec nous ce soir. C'est de quelle origine, Adem ? C'est joli. Oui, c'est algérien. Eh ben, c'est algérino. C'est algérien. Voilà, ouais, voilà. Il y a un petit souci sur ton téléphone. Tu as 3 secondes pour me trouver du réseau. Parce que j'avais failli dire, t'as 3 secondes pour me retrouver 2 barrettes, mais ça peut faire bizarre. Oui, voilà. Voici l'enveloppe, les enveloppes ont été distribuées. Je t'entends, ma chérie. 2 enveloppes de 10 000, une de 1 000, une de 100, une de 5, une de 500 à Jeff, Stouff, Bichette, entre réalisateurs, Monsieur Bordas, Miko et moi-même. Oui. Choisis bien et gagne des sous et ça nous fera plaisir. J'hésite. Allez, Nico. C'est un Nico. Bon choix, bon choix. Il sait plus où il l'a mis. J'ai trop de poche. C'est le gars, il a plus où il l'a mis, on peut dire que c'est fini, là. Hein. Non, bah oui, mais non. Attention. Eh ben, c'est pas mal du tout. Un petit 500 euros, ça fait plaisir. Ah ouais, grave. Ouais, 500 euros. Ma petite Myriam, cadeau pour les enfants, pour ce que tu veux, 500 euros. Bravo. Voilà, bon vendredi. Voilà, ça fait plaisir. J'aime ce vendredi, je te fais un gros bisou, Myriam. Un gros bisou. Je t'embrasse fort. Tu habites dans quelle ville ? À Ferney-Voltaire. C'est où à peu près, vaguement ? C'est en France ? Oui, c'est en France, c'est dans l'Ain. C'est dans l'Ain ? Ouais, bah très bien, je te fais un bisou, je t'embrasse. Bisous, tata. Gros bisou, Myriam. Pourquoi tu te mets la tête là ? Pourquoi tu te mets la tête dans l'Ain ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'aime bien comment tu dis ça. Oui, c'est là, ouais. Ouais, oui, c'est là, c'est là. Il m'a dit t'es où, je te rejoins tel. Moi, je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout blanc bête, à ma telle fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi, je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. Bonne de mes copines, à mes copines, à mes copines. Je l'adore. Aïe, ah, la cagnou. Oh merde, oh, j'ai pas réussi encore. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Avant le Saptel et le Mico, nous aurons des nouvelles de Didier Deschamps dans un instant, puisque ce soir il y a un match de football France contre Pays-Bas. Ah bon, on y va. Et puis quelques hashtags, monsieur Bordas, vite. Bien sûr, il y a Hugo qui nous dit c'est rien, mais ça m'énerve. Les personnes qui mâchent la bouche ouverte. C'est vrai, il a raison. Mais comme dans le jingle qu'on a eu tout à l'heure. Les bruits de bouche, c'est très pénible. Mais je le fais, je crois, des fois de temps en temps avec un chewing-gomme. Oui. Je suis d'accord, je crois que je le fais, c'est pas bon. Tiens, on a quelque chose qui va parler aux étudiants. Aria qui nous dit c'est rien, mais ça m'énerve. La mine de crayon qui se casse quand tu la tailles. On taille encore des crayons. Il y a encore des crayons de papier. Oui, ça existe. Oui. Ah, d'accord, ok, très bien. Ok, très bien. On y va, Mico. Télévision, il y avait quoi hier? Alors, hier soir sur W9, il y avait la nouvelle émission. Ça s'appelle Perdu au milieu de nulle part. Alors, le concept, c'est un Pékin Express avec deux people qu'on emmène très très loin, et le but du jeu, c'est de revenir en France. Il m'avait proposé de le faire. Ah bah heureusement que tu l'as pas fait. Il m'avait proposé de le faire, je crois qu'il m'avait appelé il y a un an, un truc comme ça. Même pas. 6 mois, 8 mois, ouais, c'est pour le faire. T'aurais pas supporté. Ah bah j'ai dit non tout de suite. Ah bah non. Moi, vous savez, quand il n'y a plus de prise électrique pour recharger le portable, déjà, s'il n'y a pas de wifi, on devient ouf. Alors, non, moi il faut. Je suis pas bien. Et donc, c'est avec Jean-Pascal Lacoste. Hein? Oui. Ah, la Starac. Oui. Et Issa Doumbia. Et donc Issa Doumbia, on le retrouve là, en train de préparer sa valise avant le départ pour le Panama. Le confort, ça va me manquer. Trousse de toilette et lingette. On sait jamais si on se retrouve à chier derrière les arbres. Il y a des chances. Oui. Ah oui, bonne lingette déjà. On continue. Alors toujours dans la même émission, Jean-Pascal Lacoste qui confond la géographie avec l'histoire. Il dit pas qu'on est genre en Colombie ou un truc comme ça. Ah ouais, putain. Ah ouais. Le Pérou? C'est un centre américain le Pérou? Non. Hommage également à mes professeurs d'histoire qui se reconnaîtront dans mon côté géographique dans cette aventure. Non, mais vous savez, moi je trouve ça bien de faire comme ça des croisements avec des émissions et de retrouver avec les Marseillais. Je trouve que c'est bien. C'est bien, faut croiser les émissions. Ils ont raison, le crossover, c'est la vie. Un dernier. On passe sur C8 dans Enquête sous haute tension. Un automobiliste arrêté par la police qui en a marre de donner ses sons en France veut s'exiler au Touquet. Ouais, je vais prendre des mesures, c'est-à-dire que je ne dépense plus un sou ici. Mais maintenant, je ne dépenserai plus de sous en France. Monsieur, exilez-vous. Tout à l'heure, j'étais au Touquet, je suis content qu'ils fassent le Brexit. Non, pas le Brexit, je ne sais plus trop quoi exit. Là, pour... Effectivement, j'ai peut-être m'exiler. Oui. Alors, monsieur, j'y vais très souvent. C'est la France. Oui, ça reste la France. Hein. Oui, vous pouvez aller. Oui, s'exiler au Touquet. Bon, en même temps, il ne s'exile pas trop loin. Non, ça va. Non, ça. Faites pas ça. Vous allez faire des papiers pour rien. Tout le monde. On est sur Énergie. Je m'appelle Coé. Voici Offenbach dans un instant. Nous aurons Didier Deschamps et nous aurons la compile des Gilets jaunes juste après. You feel like paradise. sur Énergie. Merci de nous avoir choisis sur Énergie. Dans un instant, la compile des Gilets jaunes qui bon, pourquoi je demande à cette équipe qu'elle allait le faire. Qui va le faire Qui va sortir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent. Hier, vous avez explosé, que ce soit le téléphone, nos boîtes mail. Vous vouliez tous en parler parce qu'on avait, très honnêtement hier, je vais être honnête avec vous, nous avions les deux. Au téléphone. Nous avions ceux qui étaient pour, qui allaient le faire, ou s'ils ne pouvaient pas le faire, qui voulaient le faire, et qui voulaient se battre contre la hausse des taxes, etc. Et ceux qui trouvaient que c'était une bonne idée. Oui. Mais que emmerder, c'est ce qu'on avait dit hier, emmerder les gens qui n'y peuvent rien n'était pas une bonne solution. Et là-dessus, je crois qu'on n'arrivera pas à réconcilier la France. C'est-à-dire que je crois que tout le monde est d'accord pour dire que les taxes sont trop chères, mais que embêter les gens avant qu'ils fassent leurs courses ou qu'ils aillent chercher les enfants ou qu'ils ne puissent pas aller chercher des médicaments éventuellement, ça n'est pas forcément la bonne solution parce que nous on n'y peut rien et les gens n'y peuvent rien. Ouais, mais c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient justement embêter les gens pour les rallier à leur cause. C'est ça. C'est un peu ce qu'ils nous ont expliqué hier. Ouais. En fait, emmerder, ça fédère. Je suis pas sûr mais que moi, ça je suis marche. Avec... Oui, mais je sais pas. Je et sais bloquer pas. L'économie, c'est ce qu'ils voulaient aussi. Oui, mais tu bloqueras pas l'économie surtout, sur une journée. Non. Pas en bloquant trois carrefours que tu vas bloquer l'économie de la France. Ah non, pas du tout. Tu vas emmerder des gens qui avaient peut-être des petits magasins au milieu de ces centres commerciaux qui ont besoin de vivre. Eux, ils vont être emmerdés. Mais parce que bloquer l'économie d'un grand centre commercial, ça peut être marrant. Mais dedans, des fois, il y a des petites entités, des gens qui ont besoin de vendre. Et s'ils font pas leurs chiffres, ça va être une catastrophe. Il n'y a pas que des grosses enseignes. Pas évident cette histoire, hein. Pas évident. Et en même temps, je me mets à la place de tous ceux qui sont... Parce que nous, on est à Paris et dans les grandes villes, il y a les bus, il y a les tramways, il y a des vélos. Bordeaux, Lille, Marseille, Lyon, vous avez les vélos, vous avez les tramways. Le métro. Des tas de gens qui nous écoutent là aujourd'hui, s'ils n'ont pas de voiture, ils ne peuvent plus aller travailler. Et si l'essence augmente, c'est leur budget de vie qui descend. Et ça fera peut-être moins de cadeaux, c'est pas une blague quand je dis ça. Moins de sorties, peut-être moins de restaurants, parce qu'ils doivent continuer d'aller chercher les enfants à l'école, ils doivent continuer de se déplacer. Il y a des gens là qui nous écoutent qui tous les jours font peut-être 10, 20, 30, voire 70 km par jour. Parce que quand t'es dans un monde rural, t'as pas le choix, faut rouler. C'est ça. Et donc tu veux subir. Déjà que le budget vie, il est pas très élevé, alors si en plus on rajoute ça. On a raison, vous avez raison, monsieur Mico. Gilet jaune. Allez, faites quelle taille? Du M. M. Je vous mettrais bien un S pour se marrer. Non, le S c'est pour Jeff. Le S. Et tu me le fermes. Et bon courage. C'est ton défi. Ça sera un gilet jaune avec une tête toute rouge. Vous allez voir, bigou. Vous allez voir, c'est rigolo, à Malabar. Ça mettra un petit peu de bonheur dans la manifestation. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles puisque ce soir, Pays-Bas, France, les Bleus sont dans le bus en ce moment, ils sont en route pour la Hollande. Et oui, ils sont dans le bus. On a Didier Deschamps, je ne sais pas si ça va passer. Normalement, oui. Allô. On a mis une liaison spéciale. Allô, oui. Didier. Allô. Didier. Allô. Allô, Didier, bonsoir. Alors, ça sent bon pour ce soir? Ça pue. Ah bon? C'est-à-dire, oui, Rami, il est en chaussette dans le bus, il pue des pieds, c'est une horreur. Non, mais on vous parle du match, nous. Ah, ça, ce sera juste une formalité. Mais il paraît qu'il vous manque tous vos meilleurs joueurs. À partir du moment où il y a Mbappé sur le terrain, le reste, on s'en fout. Dans les buts, je vais mettre Steve Mandantiste. Non, c'est Steve Mandanda. Ah non, Steve Mandantiste. Avec la thune que je vais lui laisser, il me doit bien ça. Sinon, j'amène aussi Rabiot. Ah bon? Il est sélectionné, lui? C'est lui qui a demandé. Parce que la Hollande, c'est l'autre pays du fromage, mais c'est aussi l'autre pays du shit. Et avec un peu de chance, il va vouloir rester là-bas. Comme ça, je serai débarrassé. Bah, pas con comme stratégie. C'est quand le prochain rendez-vous? Lundi, de 12h à 15h pour les dents du haut. Oh non. Parce que je vais vous laisser, là, on arrive. Où ça, au stade? Non, au pute, la Hollande, c'est aussi l'autre pays. Enfin, vous voyez ce que je, vous voyez ce que je veux dire? D'accord? D'accord. Oh, Benzema, t'es là. C'est le Bifort sur Énergie. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Black Friday avant l'heure chez Sephora et c'est complètement dingue. Dès maintenant, profitez d'une sélection de produits Sephora Collection à partir de moins 50%. Des produits irrésistibles à prix mini à offrir à ceux que vous aimez. À commencer par vous. Et pour vos fêtes de fin d'année, Sephora vous offre moins 30% sur les parfums et coffrets parfums. Vous avez bien entendu, moins 30%. Mais ce n'est que jusqu'au 26 novembre. Voir conditions en magasin et sur Sephora.fr. Sephora, au

Souvent, les Martins préféraient passer leurs après-midi en famille bien au chaud. On alternait entre les jeux de société, les jeux de cartes et surtout les puzzles. Mais depuis qu'ils sont allés chez Intersport... On alterne entre accrobranche, randonnée et sortie en forêt. Chez Intersport, du 12 au 18 novembre, équipez-vous pour le froid. Profitez de moins 20% sur les vestes et les blousons hommes-femmes-enfants. C'est 20% de réduction et 100% d'aventure en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions et listes des magasins participants sur intersport.fr. Boulanger. Le match commence dans moins d'une minute, j'ai trop hâte. Ah ouais, moi aussi. Vas-y, allume l'ordi. Ça va, on a le temps. L'ultra portable Acer Swift 3 SF314 s'allume en quelques secondes. Commandez-le en ligne, il est prêt en une heure en magasin. Boulanger, si bien ensemble. L'Acer Swift 3 SF314 14 pouces avec processeur Intel Core i5 est à 599€ chez Boulanger. 36 centimes d'éco-participation. Conditions en magasin et sur boulanger.com. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, t'es chez Lidl. Ah oui, et aujourd'hui et demain, ils font la barquette d'un kilo de poire à 1,49€ et la deuxième est à moins 50%. 1,49€ la barquette d'un kilo et la deuxième à moitié prix. Tu te payes ma poire. Ah non, c'est le vrai prix, ça fait 1,12€ la barquette si on en prend deux. C'est un pépin pour nous ça. Ah bah comment ? Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 1,49€ la barquette d'un kilo vendue seule, catégorie 1, calibre 50-60, variété conférence, origine Belgique. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des frais à collectionner dans votre supermarché. Secoy, la seule émission qui te fait rester dans la voiture même quand t'es arrivé chez toi. Secoy, c'est le before. 17h-18h sur Énergie. Un gros bisou à tous ceux qui nous écoutent en podcast dans le week-end. Je sais que vous êtes nombreux à réécouter les podcasts de l'émission. Je vous embrasse. Ceux qui nous écoutent avec l'appli Énergie un peu partout, je vous embrasse fort aussi. Tous les jours, 17h-20h, nous sommes là. Je m'appelle Coé. Vous êtes plus d'1,620,000 à nous écouter tous les jours. 24 000. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. C'est important. Mais vous avez raison. Les chiffres. Les 4 000, chiffres. C'est beaucoup. Selon la police. Les 4 000 pour certaines radios, c'est tout ce qu'ils ont. Alors, c'est vrai. Je veux vous dire. C'est important. Vous avez raison, c'est beaucoup. Monsieur Bordas, nous sommes deuxième TT France ce soir. C'est un TT. C'est histoire de changer les gilets jaunes. Même si dans un instant, nous aurons la compile des gilets jaunes. Oui. Restez avec nous. Que vous fassiez demain la manif ou que vous la subissiez, la compile va vous amuser. Monsieur Bordas, on y va. Le hashtag, c'est quoi déjà ? C'est rien, mais ça m'énerve. Allez, vite. Allez, on a Serre qui nous dit quand je me mords la langue, hashtag c'est rien, mais ça m'énerve. Ah ouais, mais ça m'énerve. C'est comme le petit doigt de pied. T'as jamais vu personne qui s'arrache un doigt de pied contre une commode. Jamais, c'est assez rare. Ou alors faut y aller vite. Mais qu'est-ce que ça énerve. Avec l'alarme, la petite alarme. Mais qu'est-ce que ça rend fou. Mais nous, je crois que Dieu il nous a mis les nerfs au bout du doigt de pied. C'est ça. Hein, je crois qu'il a concentré les nerfs du corps humain à cet endroit-là. C'est dit, ils vont en chier, ça va me faire marrer. Mais je crois que ça fait mal et ça vexe surtout. Un deuxième. Oui. Allez, on a Olivier qui nous dit c'est rien, mais ça m'énerve les personnes qui prennent deux places dans une place de parking. Oh là là, ça m'est arrivé de le faire. Je ne vous le cache pas. Avant la compile des gilets jaunes. Vous connaissiez le calendrier de Clara Morgan ? Bien sûr. Le calendrier du dieu du stade ? Oui. Eh bien, arrive le nouveau calendrier qui s'appelle Pumping Pushies. Hein ? Pumping Pushies, je vous la fais court. C'est le grand. Oh non, c'est pas dessin, non. C'est le calendrier. Non, c'est le calendrier des chiens qui font caca. Alors, vous ne rêvez pas. C'est donc tous les mois, avec que des chiens en position, je fais caca. Ça me fait rire, moi. Et là, parce que, oui, parce que tu prends n'importe quel chien du monde, même un pitbull de ouf. Oui. Même un moloche de chez Moloche. Ouais. Un Rottweiler qui fait 250. 50 kilos. Ouais. Et ben quand il fait caca, il redevient un teckel. Ah, il a pas la faim. Hein, tu le vois dans ses yeux, il te regarde, il fait ah, me regarde pas. Il a la honte. Il te regarde, il fait arrête, regarde là-bas toi. Vas-y, j'ai l'archoir. Vas-y, tu vas mettre la photo. Mais pas la photo sur Twitter. Hein. Vas-y, hein, tu mets pas sur ton Insta. Je te défonce. Alors justement, j'ai le classement des chiens 2018. Vous me dites s'il est dans le top 20 ou pas. Attention l'équipe, je vous montre du doigt, d'accord. Ça va aller très vite. Oslo, Jeff. Oui, il y est. Oui, il est numéro 1. Oscar. Oui. Oui, il est numéro 2. Obama. Non. Non, il n'est pas dans le classement. Olaf. Oui, oui. Il est troisième. Hôpital. Non. Non, même pour un mec qui ne sait pas écrire français de la télé-réalité, non, il n'est pas dedans. Non. Oli. Oui. Ouais, sans Big Flo, il est sixième. Obèse, Jeff, pardon. C'est pas... Non, j'ai tourné comme ça. Je suis sûr que... Mais tu l'as vu, j'ai tourné comme ça. Je suis sûr que oui. Alors, obèse. Oui. Non, Jeff, il n'est pas non. dedans. Opium. Opium, pourquoi pas. Il est douzième. Ça va. Opium, viens ici. Attends. Ouais, j'arrive. Un second, je me lève. Outlook. Faux. Oui, il n'est pas dedans. Obi-Wan. Oui. Il est 18ème et la force est avec lui. Optimus Prime, sauf. Non. Non, il n'est pas dans le classement. C'est marrant pour un chien, Optimus Prime. Optimus Prime. T'imagines une petite merde de rien du tout. Viens là, Optimus Prime. Transforme-toi, montre que tu veux. Vas-y. Oreo, Jeff. Oui. Mais oui. Pourquoi toujours le bout. Ça doit être chelou, un chien Oreo. C'est-à-dire qu'il est noir au-dessus, noir en dessous, tout blanc dedans. C'est ça, ouais. Bizarre, un chien comme ça. Oh putain. Non. Mais non, bah non. Non, pas. Optique 2000. Non. Non, il n'est pas dedans. Oups. Oui, oui, oui. Oui, il est 9ème. Oh, Jaja. Non. Bah non, il n'y a pas moyen, Dja Dja. Au tableau. Non. Ou alors un chien de prof. Mais non, il n'est pas dedans. Au pied. Oui. Non, il n'est pas dedans. Et pourtant, c'est drôle. Au but. Oui. Mais non, au but. Réfléchis. J'avais entendu au but. Mais réfléchis. J'avais entendu au but. Qu'est-ce que tu fais avec le chien? Je vais lui faire faire un tour. Je vais faire un tour au but. Allez, j'ai entendu au but, pardon. Mais non, pardon. Non, jamais. On est au but. Dans un instant, la compile des chiens. Je suis baladé au but. Oh là, la classe du chien. Voici Lady Gaga et Bradley Cooper. Voilà, un peu de romantisme. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Sur Énergie, je m'appelle Coé, c'est le Bifort. Dans 3 minutes démarre l'émission en public. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Ça y est, ce week-end, c'est donc la manifestation des Gilets jaunes. Ça veut donc dire, en gros, pour ceux qui n'ont vraiment rien suivi, mouvement de contestation contre la hausse des charges. Je crois qu'ensuite, il y a déjà les ambulanciers qui sont en train de manifester sur les Champs-Élysées. Ouais. Et je crois que la semaine prochaine, ce sont les chauffeurs routiers qui vont manifester. Là, ça va être chiant. Là. Oui, mais c'est normal. Oui, parce que ça fait de l'argent en moins sur leur compte à la fin du mois parce que les prix s'enflamment. Normal qu'ils ne soient pas contents. Eh bien, on a pensé à vous, vous qui allez être bloqués et vous qui allez faire la manifestation. Voici la compile de la manif des Gilets jaunes. D'abord avec la chanson du fabricant de Gilets jaunes. Ah oui, il a besoin de vous, acheter des Gilets jaunes. Il y a également la chanson du mec qui est bloqué. Ouais, bah t'auras rien d'autre. Il y a également la chanson du mec bloqué porte de Clichy à Paris alors qu'il habite à Clichy. J'habite de l'autre côté de la rue, du mauvais côté du périph. Eh oui, c'est votre chance. Il y a également la chanson du mec de la station service. C'est pas ma faute. De l'État,

17h, 20h. Vous êtes prêts? C'est des Bonjour! Bienvenue sur Énergie, merci d'être avec nous. Deuxième partie d'émission, 18h06, c'est la partie publique. Venez nous voir, venez si vous habitez, peu importe l'endroit où vous habitez d'ailleurs, le jour où vous êtes de passage à Paris, bien sûr. Que soyez Paris, région parisienne, le jour où vous venez nous voir dans le coin, préservez, prenez votre soirée. Venez nous voir, vous faites coepublic@energie.com et vous serez dans le public. On va dire bonjour au premier rang, allez on y va. Premier rang, on est parti, jeune homme. Damien. Ça va Damien? Ça va et toi? D'où tu viens Damien? Haute-Savoie. Il serait venu Damien, ça m'aurait fait marrer. Damien, j'aurais adoré. De Haute-Savoie, à quel endroit? À Cluse, tu repars quand à Cluse? Lundi soir. Oui, tu as raison, évite ce samedi, ça va être compliqué, reste à Paris. Voilà. Mademoiselle. Sabrina. Ça va Sabrina? Ça va, merci. Tout va bien, tu es en forme? Ça va, super. Très belle lunette Sabrina, vous avez vu? Très belle porte. On dirait celle de Bordas. Ouais, ouais, en belle, elle les porte bien. Elles sont bien les miennes aussi. Oh. Allez, on y va à côté. C'est quoi le prénom? Maï. Ça va, Maï? Oui. Bonjour Maï, comment il ça va? Il n'y a que Maï qui Maï. Oh la pauvre, ma pauvre non, chérie. Non mais c'est pas grave, on fait ça depuis toute petite. Oh là là, le jour où ils ont... Oh là là, quand avec la pub. Moi je m'appelle... Moi, alors toi t'as eu la moutarde de Maï. Ouais, c'est ça. Moi c'était les cocottes minutes Seb. Ah oui Seb, ah oui, c'est bien. Ah, oh là pour là. Ça, c'est pour ça que j'ai pris Coé, j'en pouvais plus. Seb. Je m'appelle bien. Sébastien. Seb, c'est bien. Tu sais, et puis je suis sûr que quand les gens ils te font la vanne sur Maï, ils pensent que personne te l'a jamais oui, fait avant. C'est ça. C'est la première fois. Ouais. Moi, tu sais, c'est comme quand je croise des mecs, ils font alors Coé, t'as la bonne méthode. Oh, j'ai jamais dû lui faire celui-là. Pas possible. Bienvenue Maï, bienvenue à côté. Bonjour Leïla. Bonjour Leïla. Non, c'est Coé. La doyenne du groupe. Mais non, pourquoi? Attends, laisse-moi deviner. Ah, si. bienvenue Leïla. À côté, nous avons qui? Lélia. Ça va toi? Oui. T'es en forme? Oui. Tout va bien? Oui. Ouais, d'accord, ok. À côté? Tiffaine. Ça va, Tiffaine? Oui, très bien. Très bien. Et à côté? Oui, ça va super bien. On est vendredi. Willen. Et Willen. Ça va, Willen? T'es en super forme aussi. Je m'appelle Christophe Willen. Eh bien, bienvenue à vous tous et merci d'être très nombreux à nous écouter. Oh, ça va. Cette semaine, je le dis une dernière fois parce qu'après on passe à autre chose. C'était les résultats d'audience pour les radios et en deux mois, vous avez été très nombreux à nous rejoindre et à nous rejoindre dans cette émission. Merci beaucoup. Continuez tous les soirs. C'est pas fini le combat, hein? Ah bah non, ça fait que commencer. Hein. On vient de commencer. C'est le premier round. Voilà, là, il y a encore. Il y a entre 3 rounds dans l'année. Ouais. Et après, c'est ou les vacances. Ou le chaos. Ou Paul. Et pas le boulanger, hein, l'emploi. Donc, je vous assure, on a besoin de vous. Hein. Alors, attention, nous allons commencer par. J'ai fait ma connerie digitale d'hier. Alors, nous allons faire. Jeff ensuite et on va commencer par Miko. Donc les petites conneries sur les réseaux sociaux avant que je lise les vôtres. Miko. Ah bah hier j'ai voulu mettre une photo de notre invité et moi. C'était Zara Larsson. C'est une fille qui est magnifique hein. Oui c'est vrai. Sur ma photo elle est pas très jolie. Ah oui. Je crois que tu as eu le moyen de rendre dégueulasse Zara Larsson. Je sais pas comment j'ai fait. On dirait une vieille dame. Oui mais même toi si. Oui même moi. Les deux hein. Mais moi je suis pas très. C'est pas ce qui s'est passé dessus. On dirait qu'un mec a donné un coup de coude quand t'as pris le selfie. Tu sais. Ça a bougé. Tout s'est mélangé. Je suis d'accord. Petit souci. Mais des filtres. J'ai mis. Ah mais malgré tout. Ouais. Ah oui, ils vont plus rien faire alors. Demande à Dieu, il n'y a plus que ça. Miko, alors Jeff, attention, alors, Jeff hier, il a été face à ses premiers haters. Vous savez, ça fait mal. Des fois, il y a des gens qui écrivent quelque chose sur Twitter, ils ne se rendent pas compte et ils se prennent un déferlement de haine, etc. Jeff, hier, a eu son déferlement de haine, je vous jure que c'est vrai, avec des insultes. Avec des menaces, je vous assure. Ce matin, il est arrivé, il a dit « Je n'utilise plus Twitter ». Fini. Mais pourquoi ? Maintenant, je vais vous dire ce qu'il a écrit. Vas-y. Jeff, qu'as-tu écrit ? Qu'as-tu osé ? Non, j'ai envie de dire « Qu'as-tu osé écrire ?» C'est que le hashtag d'hier, j'ai dit « Je tenais à remercier l'inventeur du Nutella ». Ouais. Oh, je Et vois, là, je suis vois. Un enculé qui tue les orang-outans. Ah ouais. J'ai de l'huile de palme dans mon jardin. Le gars, il a le malheur de dire qu'il aime le ça. Nutella. Il s'est pris que des gens qui ont dit salaud, ça déforeste la planète. Je me suis senti comme une merde. Voilà. J'ai jeté mon portable, alors... j'ai jeté le Nutella. Et attends, quand tu vas passer à côté d'un zoo, les babouins qui vont te marrer comme ça. tu vas voir, quand tu vas voir les babouins qui vont prendre une pierre et on dit viens avec ton pote, viens, on l'a vu ton tweet, on l'a vu, viens ici tout de suite. Alors que t'es juste gourmand. Mais c'est juste ça en plus. Ça veut tout simplement dire qu'on peut plus dire ce qu'on veut. Non, maintenant tu peux même plus dire je kiffe le Ah ouais, c'est non, quand terminé. Même. Il était triste surtout tout à l'heure. Il était triste, c'est vrai. Oui, j'aime pas qu'on m'aime pas. Je suis d'accord. Mais, Monsieur Bordas, nous sommes quelle position TT France? Numéro 2. Dans un instant, nous aurons l'appel d'un nom de famille. Vous savez, on prend deux noms de famille. Et en théorie, quand on appelle les deux, et si les deux répondent l'un après l'autre, Ça fait une phrase. Ça nous fait une phrase. Et ça nous fera une bonne séquence positive du vendredi, alors que ce week-end va être un peu chargé. Ça peut bien se passer, il peut y avoir bololo. Quelques altercations. Bololo. Il peut y avoir, comme dirait notre Premier ministre, le bololo. Semaine on a passé, c'est le moment de, je l'appelle, jeu de mots pourri. Qu'est-ce que l'on fera, Stouff? Qu'est-ce qu'il y a à gagner ce soir? Alors, attends, je vais me remettre dans mes fiches. Alors, on aura le tiki roule. Oui, avec une famille, ou alors voilà. On a dit maintenant plus de famille, on veut juste les enfants et les parents. C'est ça. Si vous êtes maman monoparentale ou papa mono, voilà, ça marche aussi. Pour tout et le une PS4 Pro et une mini Super Nintendo à gagner avec la sortie du film Bumblebee le 26 décembre au cinéma. Mais pour jouer avec nous, 0800 70 42 48, et c'est le même numéro de téléphone parce que ce soir, pas de sujet d'auditeur, mais ce soir, en revanche, comme c'est vendredi, tout est permis. Oui. Comme dirait Pierre de Coubertin. Bien sûr. Donc, bon, oui, c'est vrai qu'il y a. Oui, j'ai été repris par Arthur aussi. Oui, non, c'est Pierre de Coubertin d'abord. Ou Arthur de Coubertin, c'est un des deux, je ne sais pas. Donc, en tout cas, vous nous posez toutes les questions que vous voulez, on est obligé de répondre. D'accord, 0800 70 42 48. Vous êtes prêts pour l'appel jeu de mots? Ah oui. Oui. Appel du vendredi. Appel léger. Appel ridicule. Appel heureux. Mais appel qui détend. D'accord. Attention, il faut que ça marche. Le premier s'appelle Laurent. C'est deux personnes. Deux personnes, c'est deux très personnes. Court. Laurent. Ça va être stupide. Allô. Allô. Oui, bonsoir, vous êtes Laurent Mayaï? Oui, c'est bon. Bonsoir, je m'appelle Coé, on est sur Énergie, comment allez-vous? Bien. Alors, je voudrais vous présenter, monsieur Mayaï, quelqu'un d'autre. Demande de ne pas raccrocher, je vous présente monsieur Mayaou, qui est là. Monsieur Mayaou? Oui. Monsieur Mayaou, bonsoir. Je vous présente monsieur Mayaï.

Je lis quelques messages. Salut Coé, c'est Aurore. Est-ce que tu avais fait la dernière fois des hallucinations auditives? Est-ce que tu vas les remettre? Et quand à l'antenne? Je vous adore. Gros bisous. Merci pour les audiences. Les hallucinations auditives, vous vous souvenez, c'est quand on passe une chanson en anglais, qu'on entend du français dedans. Ouais. On finira l'émission tout à l'heure en réécoutant les hallucinations auditives si ça vous fait plaisir. Ok. Et là, t'es en train de te dire où est-ce que je les ai mis? Tu es carrément en train de me dire que je ne les ai plus. Eh bien, tu as une heure et demie pour les retrouver. Eh bien, attends. Il y a celle de Maître Gims qui passe demain. Celle dans l'émission de demain. Avec son chant à l'envers. On peut en parler là vite. Bah oui. Oui, oui, c'est vrai qu'on a. Moi, je les ai, Bichette. Je les ai, t'embête pas. Tu les as? Je les ai. Je sais pas en quoi, mais je les ai. Ce que je suis en train de me dire là. Je les ai quelque part. Je les ai, Rackset, on me dit. Rackset. Hein? C'est, ouais, parce qu'on parle. Oui, une autre langue. C'est technique. Rackset. Et ça y est, je les lèche les cerises de Raymond. Oh là là. C'était ça, non? Ouais, oui. C'est ça, c'est énorme. Mais j'adore. Sur le titre de Zombie. Je l'ai pas là, je l'ai pas sur celui-là. Il l'a pas, mais quand on le passe à l'envers, ça fait. Demain soir, 23h10, vous entendrez ça et vous verrez ça sur Énergie 12, le meilleur de l'émission de la semaine dernière. Je lis quelques-uns de vos messages. Cédric, salut Coé, je vous écoute tous les soirs en rentrant du travail. J'attends les passages de musique pour passer sous les tunnels afin d'éviter les coupures. C'est drôle, imagine. Tout de suite, on écoute ça. Ah bah alors vite, je prends le tunnel. Félicitations pour l'audience, vous faites un super boulot. Quand est-ce que vous refaites des émissions avec des humoristes tels que Guillaume Batz, Jérémy Ferrari ou Arnaud de sa mère? Il faudrait. Ah ouais. On en prépare une de spécial Noël avec plein d'humoristes. Et pareil, on la mettra en version télé. Et vous l'aurez sur Énergie. Je pense qu'on va faire ça courant décembre. Où il y aura Guillaume Batz, il y aura plein d'invités. Vous allez adorer. Général Noël, oui, dans cette période. Oui, ça va être, c'est vrai, en décembre. Oui. Selon les Mayas. Le message le plus vague du jour, je vous le lis, il a été laissé, il est de Béatrice. Qu'est-ce qu'elle dit? Où vous trouvez-vous? Voilà. Laisse-toi. Vous êtes ici. Ah ouais. Message de Diogo. Salut Monsieur Coé et toute l'équipe, je vous écoute par internet depuis l'Argentine, Cordoba, gros bisous. Ça fait plaisir. On t'écoute. Message de Aquanature France Laurent. Ouf. Salut Coé, je t'écoute quasiment depuis 6 mois tous les jours. Je t'écoute 6 mois tous les jours. Ouais. Je commence mes journées pour livrer les cantines scolaires à partir de 17h, le temps de faire ma préparation, blablabla, reste comme tu es, toute ton équipe, je vous embrasse. Il vous embrasse. Bisous. Bisous. Bisous. Le haters du jour, Sloane, dit: est-ce qu'il est possible de demander aux gens sans cervelle et incultes d'arrêter de critiquer le mouvement du 17 alors qu'ils savent pas ce qui s'y passera, qu'ils n'y connaissent rien au mouvement ni aux réponses préfectorales? Ils parlent mais ils participent à rien. Quand on sait pas, on se tait. Membre en colère 44. Alors voilà, non mais alors ça je suis pas d'accord, parce que à partir du moment où il y a des gens en colère qui ont le droit de manifester, si voilà. vous prenez le droit de bloquer la route, essayez de comprendre qu'il y a des gens qui soient pas d'accord avec vous et qui aient le droit de pas être d'accord avec vous. Démocratie. Ah bah oui, faut accepter. Ouais. Message d'une ancienne haters. Et oui, des fois les haters se changent. Oui. Bonsoir, excusez-moi d'être franche, mais c'est mieux que les faux culs. Je vous appréciais pas du tout. En rien, mais maintenant je vous adore. La voix qui change. J'adore vous écouter sur la route. Continuez, bonne soirée Marie. Bienvenue au club alors. On t'embrasse Marie. Nejma, coucou c'est Nejma. Je voulais juste vous dire que je suis très heureuse d'avoir pu aller au Enema. Mon seul regret de ne pas avoir pu rencontrer Coé, les membres de l'équipe. Bah. Je veux pas abuser au niveau des cadeaux, mais puis j'ai une photo dédicacée toute l'équipe. Comment elle nous a pas vu? Nejma, on était partout. On était vraiment partout. On était partout là. De Max Énergie qui me dit: Coé, il y a une date pour l'ouverture de la billetterie du rodage à Lyon? Rideau rouge, et même pas de formule de politesse. Début 2019. Au revoir, bonjour. Voilà, je rappelle que le One Man, on sera à Nantes la semaine prochaine. Il y a des dates de complètes. Hein. Oui. Bientôt Rouen, bientôt Lille, ça arrive vite. De Mélanana, salut Coé. Deux solutions pour payer le carburant jusqu'à Nantes pour le One Man: gagner au cache-cache ou vendre un rein. Je pense que je vais appeler Dr House, parce que vendre un rein, c'est ce qu'il y a de mieux. 1000 km aller-retour, ça fait au moins 10 000 euros de gasoil. Ouais, c'est vrai, pas de borne pour venir nous voir. Et Pauline, pour terminer, j'écoute l'émission en podcast, je suis en retard par rapport au débat sur la corrida. Ah oui, quand même. Ah ouais, d'accord. Ah, c'était il y a un bon mois et demi, cette histoire. Ouais. Merci de défendre l'opinion de ceux qui sont contre. Je trouve cette pratique révoltante. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent la corrida révoltante, et pourtant, les choses continuent. Regardez, beaucoup de gens trouvent ça révoltant, les hausses de taxes du gasoil. Oui. Et pourtant, ça continue. Oui, c'est vrai. Comme quoi, restez avec nous. Mais c'est peut-être à force de dire qu'on n'est pas d'accord et qu'on n'est pas content que la corrida, comme la hausse des taxes, ça va s'arrêter. Dans un instant, on aura Sam au téléphone qui posera des questions de l'équipe et le qui roule. Problème. Je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne. Je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde de fous. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure cent ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Mon évidence, t'es mon sourire et ma carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fou. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure cent ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure cent ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. 7h-20h, c'est Coé sur Énergie. On est en public comme tous les soirs, merci d'être avec nous. 18h33 en direct sur Énergie, le hashtag de ce soir est numéro 2 TT France. Merci de votre fidélité, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, Coé Officiel sur Facebook. Vous êtes 2 900 000 à me suivre. Merci à vous tous les amis, donc Facebook c'est Coé Officiel aussi. Et sur YouTube, ça y est là, on y arrive hein. Ouais. 3 100 000, je me demande même si on les a pas passés. Ouais, je me demande même si Si c'est pas ton travail de me le dire. Mais c'est assez incroyable, mais tu sais quoi, je vais faire ton job, c'est pas grave. Non, je te prends pas la tête. La dernière fois que j'ai vu c'était... Ouais, non mais t'emmerde pas, t'inquiète pas mon grand, je vais le faire, ça va gagner du temps. Voilà, 3 millions, non, on est toujours à 3 904, où on en est? Le 3 099 810 abonnés. Oula. Les amis, on peut passer les 3 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube maintenant. Il en manque combien? Si vous n'êtes pas encore abonné, mais moins que ça. 99 810, il en manque 190. Oh, c'est rien. On peut faire. Vous êtes chez vous, vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Ah mes crayons. Mais en tout cas, vous allez vous abonner sur Coé Officiel. Coé, regardez YouTube, Coé, et vous mettez s'abonner. Il y a une petite cloche. La petite cloche, c'est pas un résumé de ma tête. C'est juste un truc. C'est juste un truc pour que vous puissiez en gros être informé quand on met une nouvelle vidéo. Comme la vidéo que l'on va mettre dimanche, qui sera quoi, monsieur Bordas? C'est la vidéo de Ahmed Silla et toi qui fait un concours d'imitation. Voilà, Ahmed Silla, je vous rappelle que je fais sa première partie dans quelques jours au Casino de Paris et lui fera la mienne à la Comédie de Paris à partir du 14 janvier. Pour me le savoir, ça va être rigolo. Oui. Et donc on est à 3 099 883. Je pense même. 946. Je pense même que je cligne des yeux. Et dans 3 secondes, on a passé les 3 100. 71. Allez-y, regardez bien. Faites-le 3, là. 3, 2, 1. Ouais, 3 100 000. Vous êtes 3 100 à me suivre sur ma chaîne YouTube. Merci les amis. Oh, il suffisait d'en parler. Eh oui, c'est ça, quoi. Merci à vous, vous êtes les plus forts. C'est incroyable. Arrêtez de fixer cet écran parce que c'est hypnotique après. Après, on n'en peut plus. La famille Bertolini va jouer avec nous. Ils habitent Toulouse. Comment ça va les Toulousains? Ça va, Coé, salut. Ça va bien. Il y a qui dans la voiture? Alors, il y a le papa qui s'appelle comment? Damien. Ça va, Damien, tu es en forme? Ça va et toi, Koé? Ça va très très bien. Il y a les deux enfants, il y a Jules qui est là. Ouais. Jules, quel âge tu as? Ça peut se faire. 14 ans. Je l'ai entendu. Bientôt. Bientôt. Et Amand, tu as quel âge, Amand? Amand ou Armand? Amand. Amand, d'accord. Amand. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Quel âge? 10 ans. Ça va, Amand, tu es en forme? Ouais. Oui, écoutez-moi bien, je pose des questions. La femme et l'amant. Non. Tu es con. Voilà. Il y a le papa, le fils et l'amant. Voilà. Bon, on est très cool. On est cool, hein, l'amant de ma femme, il est très sympa. Très ouvert. Il est très sympa, on va faire les courses chez Auchan ensemble. Voici la première question pour le papa. Contre qui joue l'équipe de France ce soir? Facile. Eh oui, il n'y a pas que le Stade Toulousain dans la vie, hein. Y a aussi d'autres sports. On en a parlé en plus. On en a parlé. Contre qui joue la France ce soir en football? L'autre pays du fromage et de la drogue? Mais les Pays-Bas. Eh oui, voilà, oui. Absolument. Bien joué. Question. Question pour Jules. Jules? Ouais. Do you speak English? À moitié. Ok, ça s'entend. Comment dit-on petit déjeuner en anglais? Breakfast. All right, so nice. Bonne réponse. Very well. On joue maintenant pour la PS4 Pro et la mini Super Nintendo pour la sortie du film Bumblebee qui sort le Bumblebee. Attends, t'as pas gagné Amand, encore. Tu n'as pas gagné. Amand, c'est à toi de jouer. Tu es prêt? Ouais. Damien, qu'est-ce que c'est que ce prénom Amand? Eh ben c'est Ouais, ok, déjà. Vas-y, je te laisse jusqu'à Noël pour trouver une explication. Mais un jour il va te demander, il va te dire papa, pourquoi ce prénom? Pourquoi? Mais là il dira bah vas-y, laisse-moi jusqu'à Noël. Bon, voici la question. Attention Amand, question difficile. Cite-moi trois Pokémon. Pikachu. Ouais. Et ouais. Ouais. Ronflex. Et Ronflex. Ronflex. Ronflex. Ronflex. Ronflex. Ouais, ouais. Ah, c'est gagné, super. On va essayer de le dire. Allez, merci, bonsoir. Ouais. C'est gagné. Bravo. La PS 4 Pro, la mini Super Nintendo, on vous l'envoie chez vous à la maison à Toulouse. Merci l'équipe. Salut. Gros bisous, je vous embrasse, à bientôt. Bisous, portez-vous bien. Vous aussi vous pouvez jouer au Kiki Roule quand vous voulez. Ça arrive tous les jours, c'est sur Énergie. Merci d'être là, on aura des questions pour l'équipe dans un instant. Et on parlera d'un truc de lancer de hache qui cartonne en ce moment. Écoutez ça, qu'est-ce que c'est, Marshmallow? Oui, c'est ça. On est vendredi soir et on est là, et vous aussi, merci beaucoup. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute I'm left there with my thoughts. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, no, that means I'll have to leave. I've been thinking, I want thinking. I want you to be happier. I want you to be happier. Then only for a minute. Les hallucinations auditives reviendront juste à la fin de l'émission, juste avant le Rico Show. On est en public ce soir, venez nous voir, coepublic@energie.com. Et le meilleur de l'émission de radio que vous avez entendu la semaine dernière sur Énergie en direct des Energy Music Awards, vous la verrez demain soir, 23h10, sur Énergie 12. Essayez de veiller jusque-là. Oui. Ah, bon, ça va. Ouais, ça va, c'est le week-end. Samedi, oui. En plus, allez, vraiment, je pense que vous allez kiffer. Vous allez voir Vita et Claudio Capéo, Jennifer, Big Flo et Oli. Vous verrez un Tamer en slip que vous n'avez vu nulle part. On a tourné que pour vous avec Big Flo et Oli. Amir qui me drague ouvertement. Oui, clairement. Oui, tu lui plais. Et ouvertement. Il chante la chanson d'amour en me caressant la joue. Et bon, Kenji, Jane, Nicky Larson, toute l'équipe, hein, toute l'équipe de Nicky Larson. Richard Darbois, vous savez la grosse voix d'énergie. Oui, énergie. Hit music only. Vous le verrez en vrai, on a fait faire des fausses remises de prix. La honte. Absolument. Et vous verrez également des attachés de presse, des gens qui passent derrière, des gens qui fument, des gens qui en. Voilà, puisque je tiens quand même à dire que cette émission, elle est géniale dans son contenu parce qu'il y a VG Dream qui met un vent de folie. Oui. Il y a Maître Gims qui chante des chansons qu'il a jamais chantées de sa vie. Il y a David Guetta à qui je fais faire le DJ Ringard. C'est vrai. Et qui me le fait très bien d'ailleurs. Il y a Shawn Mendes que vous verrez dans l'émission qui a tourné pour nous. Il y a Soprano à qui on a refait la déco de la chambre. C'est une émission, je vous assure, je pense que c'est l'émission la plus bordélique que vous verrez à la télévision avec des gens qui passent, on sait même pas qui c'est. C'est vrai. Avec des gens qui font des photos pendant qu'on tourne. Mais en même temps, je pense que c'est l'émission où vous verrez le plus d'artistes se marrer et faire n'importe quoi, à commencer par nous. Et il y aura les vraies stars, les ponchos. Ah oui. Et on a mis une dernière vidéo en exclu sur ton Instagram avec l'équipe du film Nicky Larson. Et bah allez faire un tour sur mon Instaco et officiel. Et si vous voulez réagir pendant l'émission, on fera un live tweet samedi soir. Ah cool. Comme ça vous pourrez réagir en temps réel. Évidemment, si vous pensez que c'est de la merde, gardez-le pour vous. Hashtag c'est quoi TV. Ah merci. Oui bon. Voilà, vous le dites en privé. Ouais, voilà. Non, vous pouvez pas. Franchement, je veux que je dise un truc. Je crois que vous ne pouvez pas trouver. Alors là, tant pis, je me lance. Vous ne pourrez pas trouver que cette émission c'est de la merde. Vous pourrez trouver que c'est pas une émission de télé. Parce que c'est pas une émission de télé. Vous pourrez trouver que c'est bordélique. Vous pourrez trouver plein de trucs. Vous pourrez trouver que ça fait n'importe quoi, que les artistes sont complètement fous, etc. Mais franchement, le contenu qu'il y a dedans, moi, je trouve il est incroyable. Et tous les artistes ont été très généreux. Donc si vous aimez tous les artistes que j'ai dit là, ne ratez pas cette émission. Autant vous dire que s'il y a je me suis fixé un objectif d'audience. Lequel? La chaîne s'appelle Énergie 12. Je veux faire plus de 12. Voilà. Pas 13 parce que ça porte malheur. Je veux faire 14. Ouais. 14, c'est bien. Minimum. 14 personnes, je suis heureux. Minimum, bien sûr. Si toute l'équipe regarde, c'est bon, on est à 14. Eh ben, vous savez quoi, regardez pas samedi soir, vous faites pas chier. C'est bon, on a l'audience, on a ce qu'il faut. Vendredi, vous posez toutes les questions que vous voulez. Lucas de Strasbourg, vas-y mon Lucas, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va très bien, bienvenue chez nous. Alors, tu poses les questions que tu veux, vas-y, je sais même pas ce que. Alors, j'ai deux questions, une pour toi. Oui. Alors, celle-là, c'est. En fait, c'est pour toi, mais c'est ma femme qui m'a conseillé. Elle m'a dit, ça fait quoi d'animer une radio de jeunes alors qu'on n'est plus très, très, très, très, très jeunes? Alors, cette question est pour Miko, peut-être. Bien sûr, je peux répondre. Miko a 74 ans. La jeunesse, c'est dans la tête. Voilà. Ça veut rien dire. Est-ce que tu veux que je te dise un truc? Quand j'étais gamin, je regardais tous les mecs aux États-Unis qui s'appelaient Rick Dees, Howard Stern, des mecs qui étaient des stars de radio d'ado. Parce que nous, sur Énergie, on n'a pas cartonné en audience, par exemple, que sur les moins de 20 ans. On a cartonné sur les gens de 30 ans, de 40 ans. C'est-à-dire que là, il y a plein de gens qui sont venus nous retrouver. Bah, ça fait plaisir. Et quand j'étais gamin, je regardais, j'avais quoi? J'avais 20. Attends, Lucas, laisse-moi finir, merci. Il m'agace. Quand j'avais 20 ans, je voyais tous ces mecs aux États-Unis qui avaient 50 ans. Je disais, mais qu'est-ce que c'est que ces vieux? C'est ça. Qui s'adressent à des jeunes? Les États-Unis n'ont-ils pas d'autres gens?

sait très bien comment gérer sa vie. Charismatique, magique. Elle est sexy. Elle prend soin d'elle malgré tous les soucis. Elle prend des risques, elle réfléchit. Pas besoin de te demander ton avis. Son objectif, la réussite. Son amour ne connaît pas de limites. Fort caractère, elle sait dire non. Elle va tout assumer. À 20 secondes, c'est le temps qu'il met pour faire l'amour. Plus long, c'est chiant. 17h-20h, c'est Coé sur les Non, non, non, non. Excusez-moi, est-ce qu'on peut revenir sur l'origine de ce jingle? Qu'est-ce qu'il dit? Non, je sais pas. J'ai pas très bien entendu. 17 à 20 secondes. C'est le temps qu'il met pour faire l'amour. Plus long, c'est chiant. Et on pouvait pas mettre 17 à 20, c'est la longueur de ça. On pouvait, non? On était obligé de. C'était pas crédible après. Oui, c'est pas la vérité. Bon, excusez-moi, c'est plus crédible que 17 secondes. À 10 cm près, on pas de publicité mensongère. À 10 secondes près, on y aussi. Comment? Pas de publicité mensongère. Parce que t'es community manager, toi? C'est pas une publicité mensongère, c'est moi qui viens de modifier mon profil Instagram tout seul comme un grand. Hein? J'ai mis les 3,1 millions, c'est moi qui ai modifié. Non mais d'accord. Tu peux pas pisser, changer un profil en même temps, tu peux non, pas faire les deux. Arrête, le profil a pas que ça à faire. J'allais faire pipi. Et alors tu peux faire pipi et modifier en même temps, regarde. Je le simule, regarde, j'y suis là. Ça va quand même, voilà. À un moment donné. Alors c'est possible, tu n'as pas non plus un truc où il y a besoin de deux bras pour le porter. Bah si, je crois. Je crois que si. Bon bah je t'ai excusé alors. Tu viens avec un mot du médecin, une photo et tu seras excusé. Je vous souhaite bon courage pour ce week-end à vous tous quand même, parce que ça va être un week-end un petit peu compliqué. Ça va être le bololo. Sur toutes les routes de France, je crois que le gros problème va être de demain matin à demain fin de journée principalement. Ouais. Ça a déjà commencé. Hein. Le but du jeu va être de bloquer des ronds-points et des stations d'essence, des stations-service et tout. Moi, ça m'empêchera pas demain soir d'aller mixer dans le nord de la France. Oui. Je serai à Loison-sous-Lens, au Purple. Voilà, demain, ça va être vers 1h du matin, tout roulera bien. Voilà. De toute façon, moi, je serai le Moïse du mix. Les camions s'ouvriront devant moi. Bien sûr. Raison. Les routes vont s'écarter. Non, mais ce sera réglé à ce temps-là. Donc, en tout cas, soyez prudents parce que. Allez-y doucement, roulez doucement. Faut pas non plus s'engueuler ni créer dehors avec les gars qui sont en gilet jaune. Ça sert à rien de se battre, ça sert à rien que personne n'insulte personne. Voilà. Ça va arriver forcément. Oui, mais je pense pas que enfin, j'ai la réponse. Les gens qui sont en gilet jaune qui manifestent sont pas là pour faire chier une ou deux personnes. Ils sont là pour se plaindre de quelque chose de très pénible également d'ailleurs. Qui est cette hausse des taxes insupportable. Ah ouais. Mais le prix d'un plein, mais c'est un truc de ouf. C'est du luxe. Ah bah c'est bientôt Noël, hein. C'est ça. C'est cadeau. Ah, mais allez, tu sais quoi, il y avait une fausse pub qui avait été faite il y a quelques années, mais moi cette année j'offre mon bidon de 5 litres. Ah bah oui. Et vous verrez, hein, la personne elle aura les yeux qui pleurent, hein, dira merci. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait. 5 litres de diesel. Qu'est-ce que je vais en faire? Je suis en vélo, bah ce sera pour plus tard. Mais le haut coffre, ça vaudra une fortune dans quelques années. Ouais, grave. Tu vas voir. Bon, c'est comme le vin, c'est un bon cru. Bien sûr. D'ailleurs, c'était aujourd'hui le Beaujolais? Non, c'est pas aujourd'hui. Non, c'était hier. Ah là, je sais pas. Okay. C'était hier. Sinon, au niveau de la poche tronade, ton alcoolisme, il est comment? Ah, il va très bien. Ah, parce que je parle du diesel. C'est pas aujourd'hui le Beaujolais? J'ai l'impression que j'ai les mains qui tremblent, j'arrive plus à écrire. En parlant de cru. Ça va Renaud? Bien? Ah non, laisse Renaud tranquille, tu touches pas Renaud, je te l'ai déjà dit, déconne pas avec ça. Mais j'ai pas touché Renaud. J'ai dit, j'aime bien Renaud. Arrête. Ah, ouais. Toujours debout. Moi vivant. Avec souffle, t'as écouté le Beaujolais. Jamais bourré. Bon alors, tu l'as goûté? Non, bah non, justement, je te demande. Bah, tu me demandes à moi. Bah oui, je te demande. Je bois pas d'alcool, j'y connais rien. Donc, C'est pas bon en plus le Beaujolais. Je sais pas. C'est un coup de noisette ou de banane chaque année. C'est ça en plus. Chaque année, les gars, ils te trouvent des goûts. Il a un petit arrière-goût de myrtille, il sent la banane, avec un petit reflet de noix de coco et de muscat. Et ça sent le. Toutes les excuses sont bonnes pour picole en fait. Hein. Bah, ah, goûter, un peu de citronnelle et de jus de papaye. Il y a un retour de goyave derrière. Je connais rien du tout, je trouve que ça sent pas bon, c'est tout. C'est pas bon le Beaujolais. Non, c'est pas bon. Oh, ça va. Ça pique, ça dépend lesquels. Non, c'est pas banon. Le nouveau. C'est pas ça génial. Mais ça se boit glacé avec du cisson. On va faire l'ancien. Du cisson. Du cisson. Et du pâté. Et Franck, qui habite Nancy, vous êtes très très classe. Hein. Vraiment. C'est la France. Oh les gars, du Beaujolais, ça se boit frais avec du cisson. Bah bien sûr. Bah, oui. Des cahuètes aussi si tu veux. Allez. Des cahuètes. Le pilier de bar quoi. Des cahuètes. Tu veux le faire ce soir. Les olives. Allez hop. Et les stages pis. Allez gomme. Ah tranquille. Allez Franck de Nancy, ça va Franck? Bah ça, avec des chipsters. Et les apéricubes, allez, c'est pour moi. Il rajoute les chipsters. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Franck? Moi, je suis commercial. D'accord. Franck, je t'écoute. Question pour l'équipe, on y va. Ouais. Quelle est la chanson que vous écoutez tout le temps mais que vous assumez pas? Chanson. Moi, j'en ai une. J'assume tout, Bordas. France Gall, Ella Ella. Voilà, très bien. Stouff. Je suis très années 80, donc tout ce qui est années 80, donc c'est compliqué. Je sais pas. Moi j'assume tout, moi. Même les trucs pourris tout mais à l'heure. Mais oui, mais j'assume aussi, c'est pour ça. J'ai entendu Europe The Final Countdown dans ma voiture, je zappais, je suis tombé sur Nostalgie. Non, toi t'aimes bien le rap de début de soirée. Ouais, c'est vrai. La partie rap. Ouais. Tu la maîtrises bien. Ouais, je la maîtrise bien. Ouais. C'est pas un gars. Ouais, c'est pas du tout. Non. Du tout. Jeff. Un partenaire particulier. Quasi tous les matins en partant en scooter, je me le mets à fond dans mon casque. C'est vrai ? Ouais. Ah d'accord. Moi c'est la tribu de Dana, je pense. Hein. La tribu de Dana. Ah, moi j'ai pareil. Hein. Je la maîtrise parfaitement. Ah, Pacifique. Cherchez le nom. C'est quoi Pacifique? Quand tu verras mon corps tout contre ton corps. D'accord. Et personne n'écoute. Eh bien écoutez, vous êtes des vieux ringards. Moi c'est VG Dream. Avec j'aime pas les suceurs de bite. Je trouve ça. Je trouve que ce titre de VG Dream, c'est la classe. Et après, ramener la coupe à la maison, je me fais. J'aime les suceurs de bite. J'aime pas ça, j'aime pas ça. C'est qui lui a dit quand même la semaine dernière à Cannes, tu vas pas chanter Non. Il a eu peur. Vous avez entendu cette chanson de VG Dream dans le public? Non mais c'est vrai, c'est une vraie chanson elle qui existe. Ouf, hein. Elle est ouf. La dernière fois j'écoute, j'étais chez moi, je me mets l'album et donc il a ramené la coupe à la maison. Et d'un seul coup j'entendais. Je dis qu'est-ce qu'il chante là? Mais en fumée? Ouais. En fumée, je lève le son. Anglais, j'aime pas les suceurs. Oh là là. J'aime pas les suceurs, bah, frites. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre la coupe à la maison et ça? Il y a un grand écart. Hein. Bon, allez, Franck, je te fais un gros bisou. Justement, en parlant de Cannes, qui c'est qui s'est couché plus tard à Cannes? Bichette et Nico. Je crois que c'est moi. Voilà. Bichette et Nico. C'est du 6h, ouais. Ouais. Bichette, c'est plus, de toute façon. Bichette, il sait plus. On était à Cannes. Bichette, il s'est couché entre samedi soir et lundi matin. C'est ça. Un truc comme ça. Mais ils ont bien profité. Oh, oui. C'était la sortie pour tout le monde. Voilà, on est jeunes. Gros bisous, Franck. C'était bien, merci à vous. À bientôt, je t'embrasse. Merci. L'émission spéciale Cannes demain soir, 23h10. Alors, dans un instant, nous appellerons un truc à Toulouse. Alors, c'est un truc tout nouveau. On le fait maintenant ou après? Après. Et après, c'est un truc tout nouveau. C'est un truc où quand tu veux te défouler. Tu lances des haches. Vous avez vu oui, ça? On en avait parlé. Oui, ça, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme le tir à fléchette ou que t'as dans les bars, sauf que tu prends des haches et tu peux jeter les haches, évidemment, sur personne. Hein. Ah oui, d'accord. Mais le but du jeu, c'est de se défouler. On essaiera de voir dans un instant ce que ça donne. Écoutez ça. Voici le titre que tout le monde chante ici dans le studio. Prince Karma. Qu'est-ce qu'on écoutera après? Après, et Kenji. Merci et Jean-Jésus. Avec nous tous les soirs. On est encore numéro 2 TT France. Exact. T'es pas numéro 1? Non, pas numéro 1. Oh là là là, mais que se passe-t-il, monsieur Bordas, finir la semaine sur un échec terrible. Gotta wait in line. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Later, bitches. Later, bitches. Bitches. Je vous offre le pack Nintendo Switch. Vous avez le pack Nintendo Switch, vous avez le jeu, vous avez deux micros. Jouez avec nous 0870 42 48. Il vous suffit de retrouver la fin de trois chansons. Oui, voilà, facile. Si vous facile. En avez deux sur trois, vous regagnez. C'est une sorte de n'oubliez pas les paroles, mais en plus rapide. Et vous aurez et vous avez le pack Nintendo Switch, le jeu Let's Sing 2019 avec deux micros. J'espère que vous passez un bon week-end et que tout se passe bien. Donc ce truc de hache, oui. Ça j'adore. C'est ouf, hein. Ça vous permet en fait de lancer des haches, mais aussi de faire vous pouvez casser des trucs si ça vous fait plaisir. C'est bon ça. Et il paraît que c'est un grand défouloir et que les gens vont bien après. Il en faut à Paris là. On avait pas envoyé Stouff casser des assiettes l'année dernière. Si, appartement. Si. Non, c'était pas là. Non, c'était pas le même. C'était pas ici. Non mais on l'a envoyé. Ça t'avait fait du bien ou pas déjà? On a envoyé Stouff manger des gens. Oui, oui. Non, manger des assiettes, elle a mangé des animateurs, elle a fait disparu. C'est vrai, et ça aussi on l'a fait. Mais est-ce que ça t'avait défoulé sur le coup? Oui, carrément. Ouais. Mais j'essaierais bien les haches. Mais ça fait du bien d'après vous? Vraiment, ça t'a fait du bien? Je suis sûr. Ouais. Ah bah casser les assiettes, oui. Les assiettes, la table, l'ordinateur, j'ai tout pété. Mais qu'est-ce qu'il y a? Même les murs, il n'y avait plus rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que quand tu es quelqu'un d'équilibré, oui, ça va. Mais quand t'es quelqu'un qui, tu vois, qui est passé 4 fois dans le crime de Jean-Marc Morandini. Psychopathe. Tu vois, ah, disons que. Bah, c'est ton élément. Léa, j'aime bien ça. Tu vois, voilà, le je gars. Je connais. Tu vois, le gars qui appelle qui dit j'aime les haches. On peut les garder après? J'aime les haches. Les haches, hein. Léa, d'accord. Oui, ouais, j'aime les haches. Tu crois que le gars il dit non, monsieur, on n'a plus de place, on n'a pas de. Je sais pas. Comment il s'appelle? Sébastien et Fanny, ils sont deux. Comment vous voulez que je m'appelle? Bernard Psycho. Allô? Apache, bonjour. Allô? Oui, Sébastien? Oui. Oui, bonjour, je m'appelle Bernard. Oui, Bernard. J'ai entendu parler de votre concept, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Oui. Voilà, j'ai des pulsions destructrices parfois évacuées, je pense que ça va me faire du bien. C'est fait pour ça? Comment ça, comment ça va? Ah, tais-toi. Comment ça marche? Des pulsions destructrices. Ouais, hein. Ouais. Ouais. Donc, est-ce que tu as déjà poursuivi un ours à main nue? Ah. Non, jamais non. Ça, j'ai jamais fait, non. Okay. Non. Est-ce que je peux venir avec mes propres haches? Parce que j'en collectionne, j'en ai 128. Vous avez des 128, j'en ai 128. Ouais. Vous avez qu'est-ce que vous avez comme type de hache? De la standard, de la Leroy Merlin, j'ai de la Casto, j'ai de la hache de père en fils, j'ai tout, j'ai de la récup, j'ai de la hache ensanglantée, j'ai de la propre, j'ai de la neuve, j'ai de la sous blister, j'ai tout, j'ai de la hache à bois, de la hache manuelle, de la petite hache, de la hachette, j'ai tout. Du bon bricolo quoi. J'ai tout. Est-ce que, alors cette question, vous pouvez me dire non, est-ce qu'on peut la jeter sur des gens? Oh là, c'est pas bien, fais pas ça. Le docteur, il m'a dit c'est pas bien. Est-ce qu'on peut la jeter sur des gens? Sur des gens vivants? Oui. Non. Docteur, il m'a dit qu'il ne fallait pas faire. Mais ouais, j'ai une ordonnance. C'est pas bien, Bernard. Pas des gens vivants. Ou alors, pas attachés. Est-ce que je peux louer une salle? Combien de temps? Pour jeter sur des gens vivants? Non, même un mur sans gens vivants. Sur un mur. Mais Bernard, écoute, j'ai envie de te dire, si tu viens avec tes propres H, je peux te faire un prix. Ouais. D'accord. Ouais. Un bon prix. Parce que c'est un cadeau rare. BH Casto, ça, c'est quand même. BH Casto, c'est quand même rare. Ouais. Donc, combien? Je sais pas. Si tu prends la H demain, chez Thermoclim, si tu prends ta H chez Thermoclim, je te fais un prix. D'accord. Je peux venir demain, ce soir? Oh putain, je suis énervé, Mets-moi un coup de pelle. Pas mieux, je suis énervé. Énervé, Bernard, ça va être compliqué. Je vais pas pouvoir te faire jouer. Ou alors, dans, tu ne peux jouer que dans les Pyrénées. Ou en Bretagne. Et pas demain. Et en tout cas, c'est Bernard. Pas bien, Bernard. Allez, continuez de jouer. Il y a Bernard qui s'énerve. Hein. On a Bernard de l'autre côté du fil, les gars, il s'énerve. Là, j'en ai quelques-uns, Bernard, si vous voulez jouer, là, et j'en ai quelques-uns qui sont en train de jouer ici. On peut vous attacher, Bernard. J'ai oublié de dire quelque chose. Oui. Ah, il y a des cassos. Là, je suis tombé. Ça va, mieux. Là, je t'ai tombé. Je suis fait mal. Mais c'est ouf ce principe. Ah, j'adore. Il faut avec Sébastien. On est sur énergie. Applaudissez-moi, Sébastien. Bravo. Il va avoir, à mon avis, tous les psychos de la Terre. Et Sébastien, il faut que tu nous dises combien ça coûte si on veut jeter des haches. Raconte-moi, parce que ça, c'est bien. Eh bien, pour jeter des haches sur des cibles. Oui, évidemment. Oui, ça coûte 15 euros par personne pour une heure de temps. Oh, oui. Et puis une heure de la. Quand tu lances des haches pendant une heure, à mon avis, au bout de 10 minutes, t'en as vite marre. Hein. Oui. Non, t'en as pas marre, parce qu'il faut s'appliquer. Et puis, c'est quand même une sorte d'adresse. Eh ben, tu sais quoi, la semaine prochaine, dans quelques jours, on doit envoyer Bordas au concours du pull moche. Oui. Je propose de l'envoyer comme cible le lendemain. C'est à côté. C'est à côté, Albi Toulouse. Ben c'est oui. À côté. Je te fais un gros bisou, Sébastien. C'est à côté, en plus tu pourras t'entraîner parce qu'Albi, tu vas pouvoir en jeter des haches sur les. Allez. T'embrasse, mon ami. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. De toi, se moque aussi de moi. Dans 20 ans, tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bon bricoleur. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Tiago, Tiago. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Soyez là avec nous dans un instant.

C'est la circulation là en Île-de-France, c'est une catastrophe. Il y a combien de temps là à peu près? Là, d'ici, une heure d'ici, je suis à une heure. Une heure? Une heure pour. Il y a 10 km exactement. Autant vous dire que ça roule très très mal. Ça roule bien. Ouais, c'est une catastrophe. Je sais pas comment je vais faire. Nous aurons les hallucinations du titre donc dans un instant, ça va beaucoup vous amuser. On aura Alexandra de Caen qui va jouer au jeu Let's Sing avec nous. Ça va Alexandra? Oui, ça va très bien. Salut toute l'équipe. Salut Babel. Mais avant de te faire jouer et peut-être de te faire gagner le pack Nintendo Switch et le jeu Let's Sing 2019, j'ai vu un petit jeune là-bas qui est assis là-bas. Il m'a dit mon plus grand rêve, c'est de m'asseoir à la table avec vous. Il est là-bas. C'est pas moi qui s'appelle Baptiste, c'est ça? Baptiste? Est-ce que Guy Claude, tu peux faire une fouille s'il te plaît avant qu'il s'assoie à la table avec toi? Oui, on fait vérifier attention. Qu'il y a ni armes ni le garde du corps. Mais qui le fait vraiment? On déconne, mais oh, c'est là que le mec il arrive à table, il fait ah je vous aime pas. De la part de l'Ifoule. J'aime de la part des orang-outans. J'ai des haches. Juste dignité là. Voilà. Alors Baptiste, je sais pas, je suis passé tout à l'heure lui dire bonjour, il m'a dit je serais. Ça va Baptiste? Ça va. Mets ton casque. Mais voilà. Fais comme nous. Voilà. Est-ce que tu veux un café? Est-ce que tu connais toute l'équipe? Ouais. Vas-y, présente-les-moi. Stouff, Miko, Bichette, Koé, Jeff, Bordas. Ah t'as vu Bordas, c'est toujours ce truc qui tient pas. Hein. Bordas. Comment il s'appelle? Le relou. Voilà, tu viens d'où Baptiste? Dans le micro, prends-les dans le micro. Ouais, approche-toi. Je viens de Argenteuil, mais en fait avant j'étais à Touche, je suis arrivé il y a pas très longtemps. D'accord. En fait. Bah, bienvenue chez nous. Merci. Oh bah ça me fait plaisir. Tu restes avec nous un peu? Ça marche. Ok, d'accord. Tu prendras de l'argent ou pas? Tu te fais gratuitement? Gratuit. C'est cool. Alors tu restes. Alexandra, je vais te faire écouter des chansons. Elles s'arrêtent à tout moment. Tu dois continuer, d'accord? Ok, ça marche. Laisse-moi deux secondes le temps de les retrouver parce que c'est pas du tout où elles sont. En quatre. Attention, on y va. Tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé. Oups, mademoiselle. Je vais pas vous draguer. Promis juré. Et alors, c'est tout? Et ensuite, promis juré. Oh. Mais la suite? À la suite, je suis célibataire. Ah ouais? Oui. Promis juré. Il faut connaître tout, c'est pas vrai. Ah bah oui. Ça va, je le valide, celui-là, je le valide. Ouais. Moi, j'aurais été perdu. Tu valides, Baptiste? Allez, je valide. Ok, tant mieux. Allez, attention, cool. On continue. Les vieux se réveillent là. Salut à tous. Voilà. C'est vrai. Allez, on y va. Elle danse sur du satin de la rayonne. Elle danse sur du satin de la rayonne. Moi j'ai toujours entendu sur du satin de la raie, ça veut rien dire. Elle danse sur du satin de la raie, écoute ça. Elle danse sur du satin de la raie. Ça passe, ça passe. Et moi, j'ai toujours entendu ça. Qu'est-ce qu'elle chante, elle dit quoi, Alexandra? En fait elle chante quoi? Bah, moi, je la chante en yaourt, mais je l'avais appris quand j'étais en primaire. Bah, voilà. Il y a quelqu'un qui sait si elle dit pas sur du satin de la raie? Non, quelqu'un connaît? Bah, non, ils sont trop. Satin de la rayonne. Sur de, voilà. Satin de la rayonne. Bon, allez, dernière chanson. De ouais, peut-être. Allez, dernière chanson histoire de dire. Ne me ferme pas la porte. Et le café haut. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Ah, c'est bien. Je reste un homme debout. Bravo, ma chérie, c'est gagné. Pour la petite anecdote, j'ai chopé mon mec comme ça sur cette chanson en fait. Sur une chanson. Sur Claudio Capéo, je vous jure que c'est vrai. C'est assez étonnant de rouler des pelles sur Claudio Capéo quand même. Bah voilà, tu fais une dédicace d'ailleurs. Comment il s'appelle ton mec? Il s'appelle Dylan. Je l'embrasse et je te fais un gros bisou et tu repars en plus avec le pack Nintendo Switch et le jeu Let's Sing 2019. Bisous ma belle, à bientôt. Et je peux faire une petite dédicace? Vas-y. Dédicace à ma mère, mon père et à Lola, ma petite amour. Ok, je t'embrasse fort, on embrasse toute la famille pour toi. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. See what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath. Like a song, wanna song, wanna song, wanna song. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Bon, toutes les questions. Dans un instant, il y aura les hallucinations auditives du vendredi soir. On va se les remettre. On vous les a mis une fois vite fait, il y a quoi, 8 jours. Ouais, oui. Vous avez été nombreux à nous les redemander. Je vous fais un gros bisou à vous qui nous écoutez en podcast, qui nous écouterez donc ce week-end. Ils sont mis à quelle heure les podcasts? À 22h. Bravo mon bichette. Même s'il y a l'opération gilet jaune, tu les mets quand même à l'heure? Je le fais avec mon gilet jaune. Tu es sûr que personne n'arrivera en disant non, on va faire un petit train, on va ralentir après, la progression des podcasts gilet jaune. Je t'avoue qu'il y a peut-être une galère, parce que là, on n'a plus de coupure d'électricité, oui, on n'a plus d'ordinateur. À partir de 20h, il y a une coupure. Oui. On n'a plus de coupure d'électricité, ça ne se dit pas. Mais on a plus d'électricité. Il y a une coupure d'électricité. Voilà. On n'a plus d'écran, on n'a plus d'ordi, on n'a plus rien. Ouais. Je sais pas vrai, comment on va faire. Bah fallait payer. Hein. Demande à Jean-Paul. Ouais, à un moment donné, ça coûte cher tout ça. On va pas payer Koé l'électricité. Mais... Hein, il faut choisir. Hein. Attends, Koé est revenu, bah, vous habituerez. Mais on va se débrouiller, on va le faire. C'est vrai. Ouais, bah oui. Mais comment tu fais sans? Bah si, il y a bien un ordinateur qui marche. Regarde, on fait de la radio là. Oui, oui, mais là oui. Mais parce que là, c'est sur générateur externe. Ouais, mais là, le générateur externe, il peut tenir un ordinateur. Mais c'est pas branché pour. On peut pas, nous. Qu'est-ce qu'il va brancher pour bah nous, nos bureaux, c'est là, il y a. Mais branche-toi dessus, va sur le générateur, tu tires une prise. Et déjà qu'il n'y a même plus d'électricité dans le couloir du studio du haut, ils ont tout coupé à 17h. En bas, il y en a. Ouais, merci. C'est très bien, Bordas. On s'arrêtera là, on fait quelques hashtags. Mais t'as raison, il y en avait, mec. Hein. Mais il y en a du. Allez, quelques hashtags, vite. Allez, simple, on en fait, on y va, on attaque. Oh non, du coup. Laissez-moi reprendre mes esprits, là. On va l'appeler prof non plus. Non. Chouba, à la limite. Non, peut-être dormeur. Allez. On a Dracanciel qui nous dit, c'est rien, mais ça m'énerve. Ceux qui roulent la nuit en plein phare car ils ont une ampoule de grillé. Oui, ou ceux qui roulent en plein phare tout court sur l'autoroute, voilà. Et qui ont décidé de pas l'enlever sous prétexte qu'il y a un petit muret et ils se disent c'est pas grave, ça me gêne pas. Mais ouais. Nous, ça nous gêne. Oui. C'est vrai, ça. Un autre. Girafe qui nous dit, c'est rien, mais ça m'énerve les gens qui disent que leur enfant a 36 mois au lieu de dire 3 ans, tout simplement. Ah, moi aussi, ça me gâte. Bon, ah, on ne dit pas 36 mois. Il y a des gens. Si. C'est à cause des étiquettes sur les fringues. Ça fait souvent écrit 36 mois, donc. Non, c'est vrai. On continue, encore. Ouais, on a Jessica qui nous dit, c'est rien, mais ça m'énerve les gens qui dorment avec leurs chaussettes. Bah, c'est crado surtout. Bah oui. Le gars qui dort avec ses chaussettes, c'est crado. T'as passé une journée dans la. Après, t'as des chaussettes de nuit. Non, mec, non, ça, j'en ai pas. Non, mais. Tu défends ça. Ah non, mais moi, je dors à poil, mais je suis. Bah non, je préfère t'imaginer avec des chaussettes. Tu peux pas nous faire un juste milieu, Jeff, parce que là, je viens de t'imaginer. À poil en chaussette. Avec un bonnet de nuit. Ah, mais autant Georges Clooney à poil qui te fait du café, tu le visualises. Encore, ouais. Alors, Jeff à poil avec des chaussettes, la personne sur le lit. Mais c'est les belles chaussettes, c'est des pilou-pilou, tu sais, avec des petits pompons. Oh non. Ringard mille. T'as déjà dormi avec des chaussettes? Non, je déteste ça, vraiment. Non, il me faut pas de tissu sur moi du tout. J'y arrive pas. Pas de t-shirt, pas de rien. Pas de couverture, pas de. C'est sûr que Bichette, il le fait. Le couchette, oui. Ouais, t'es un frileux, toi. Les chaussettes? Non, je te dors pas en chaussettes. En chaussures, oui. Mais garde le bonnet, Qui l'a déjà fait avec des chaussettes? Allez. Mais déjà, moi, j'ai déjà fait en hiver. Ouais, je suis frileux en hiver. Quand j'étais jeune, ouais. Alors, je mettais plein de couches. Ah ouais? Bichette. Pas des couches, des. On y va. Il a mis des couches très tard. Hein, oui. Dans cette équipe, on a fait de la radio, mais bon, on avait des problèmes. Laura de Reims, ça va ma petite Laura? Ça va et toi, Koé? Ça va très bien. Laura, question pour l'équipe, puisque vendredi, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Je t'écoute. Oui, bah, moi déjà, Koé, je ne savais pas que tu avais fait la première partie des Black Eyed Peas. Tu ne savais pas? Ah bah dis donc, c'est bien. Que j'ai fait la première partie des Black Eyed Peas? Ben non. C'était lundi dans le noir absolu. Ah, il y avait une coupure bien. D'électricité aussi. C'est Jean-Paul. Il a dit il me coûte cher, les coupures d'électricité partout où il va. Non, mais en fait, j'ai mixé dans le noir. C'était un peu lunaire. Hein. C'est assez bizarre de mixer pendant 30 minutes et de retourner le zénith. Enfin, je crois, parce que j'ai rien vu. Mais de ce qu'on m'a dit. Oui. Et je ne voyais rien parce qu'en fait, le show de lumière était programmé pour les Black Eyed Peas. Oui. Et les mecs m'ont dit on ne peut pas éclairer un peu. C'est où tout le show de lumière? Rien. Donc j'ai mixé, il n'y avait que moi d'éclairer. Puis n'imaginez pas une boule à facettes, des moonlight flowers. Un spot quoi. Deux spots, mec. Du dessus et tout le zénith dans le noir. C'est pour ça que j'ai demandé aux gens d'allumer leur portable et c'était très très beau. Mais ça rendait bien. Mais ça reste un souvenir énorme. Mais c'est vrai que j'ai pas vu grand chose. T'es encore là, Baptiste? Mais oui, je suis non, là. Je parlais de Baptiste, notre auditeur. Tu t'appelles pas Baptiste, tu t'appelles Laura. Laura, je te rappelle. Bah si quand on dit Baptiste, tu dis oui. Laura, Laura aime tout le monde. T'es là, Bernard? Oui, je suis là. Je l'écoute. Vas-y, Laura, t'avais d'autres questions? T'avais une question? Oui, j'ai une question. Moi, je voulais savoir quelle est la première chose que vous faites le soir quand vous rentrez chez vous après l'émission. Jeff, ouais. Tu l'as compris, il enlève tous ses vêtements, il se couche totalement nu. Sauf les chaussettes. Ah oui. Hein, puisqu'il aime que son corps touche directement l'intégralité du lit. L'image que j'ai de Jeff, c'est pas celle-là. L'image que j'ai de Jeff, c'est qu'en été, des fois, il vient voir. Non, raconte pas ça, Faut pas dire. Il vient voir, il me fait Coco. Mais comme ça, hein, tu peux pas t'imaginer le petit bonheur. Je rentre, je prends une petite douche. Je sors, je suis encore mouillé. Et je me mets comme ça, sur mon lit à poil, avec le ventilo qui ventile, comme ça. Et j'ai mon corps qui rafraîchit. Et moi, plus il me parle, et plus je visualise les détails. Jeff, c'est super agréable. Jeff, nu, le corps luisant, avec un ventilateur, fait fou, fou, fou. Devant toi. Et le mec, qui est comme ça sur le lit, il fait... C'est trop bon. Quelle image. Après, tu rigoles, faut le faire. Quelle image. C'est du crime. Bon, qu'est-ce que tu fais, Stouff, en rentrant? Premier truc. J'ai ma deuxième journée qui commence avec mon fils. Ouais. Je lui fais à manger, puis je me... Tu cherches son manteau déjà? Je cherche son manteau aussi, voilà. Ok, Nico. J'ai ma deuxième journée qui commence avec mon chat. Je cherche son manteau et tout. C'est Bordas. Moi aussi, j'ai ma deuxième journée qui commence. Je fais à manger à mon coloc Pierre, là. Est-ce qu'on peut dire quand même tous ensemble globalement qu'on a des vies de merde? Est-ce qu'on peut dire que séparé de l'émission, on n'a plus rien spectaculaire? On l'a senti sur la question et le blanc qui a suivi. Attendez, on va vous faire rêver, Bichette. J'allume la PlayStation. Voilà. Là, voilà. Voilà. Et moi, c'est horrible. Tu fais quoi? Je ne passe plus du tout par mon salon. Ah? C'est-à-dire qu'en fait, je ne passe plus par mon salon. Je trouve ça kiffant de monter, prendre une douche, s'allonger, encore bouger. Non, ça, c'est déjà. Et de regarder un film en mode. Détente. Je suis couché en mode assez tôt, en fait, quand j'ai pas de truc de. Ah, bah, pareil. Et je me mate des films, je peux me coucher tard, mais quand même. La poule. Ouais, c'est horrible. Hein. Tu fais rêver en mais tout cas. Mais j'ai mixé pour les Black Eyed Peas. Voilà. J'ai donné tout ce que j'avais à donner en une soirée. Ce soir-là. Je te fais un gros bisou, Laura. Je t'embrasse fort. Gros bisous. Bisous, ma belle. Bisous. Bon, bah, Baptiste. C'était bien, hein? C'était bien avec nous. Je veux juste passer une dédicace à Exos et All Star. Il m'écoute et il m'a dit fais-moi une dédicace. Il est moins bien. Merci, Baptiste. Patience and one time. Cause shit grew from the drama. Only wanna do it once real bad. Gonna make that shit last. God forbid something happens. At least this song is a smash. And got so much love. Got so much patience. On fait un bisou à tous ceux qui nous ont amené des cadeaux cette semaine. Merci à tous les auditeurs qui viennent avec des bonbons, des chocolats à chaque fois, alors qu'on demande des pommes et des fruits à tue-tête. Que ça, c'est dingue, ils comprennent voilà, pas. Merci à Mike qui nous a amené un petit, avec sa copine, qui nous a amené un petit kiki. C'est la seule, hein, parce que tous les autres, des crevards, le public, rien aujourd'hui. Si, moi j'ai eu un cadeau. Qu'est-ce que t'as eu? J'ai eu un joli bracelet. Qui a offert un joli bracelet? Là-bas. Mais c'est ouf. D'accord. Astouf, pourquoi Astouf? J'attends juste la réponse. Non, pour la remercier. De quoi? Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle m'apporte. Tout ce qu'elle t'apporte. Elle fait rien. Elle fait rien. Je sais. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Elle t'apporte quoi, ouais? Je lui ai expliqué sur la lettre. Ah d'accord, ok. Bah moi je vais t'apporter un stylo. Voilà, j'espère que la prochaine fois ça peut servir d'avoir un stylo. Mais oui. Qu'est-ce que tu lui apportes, Nico? Je vais lui apporter une feuille complémentaire. Allez, je lui apprends une feuille. Voilà, Nick, Jeff, tu lui apportes quoi? Moi j'ai un gobelet. Ah non, mais j'avais déjà pris. On va t'apporter plein de trucs, ma chérie, d'accord? Voilà, voilà, apporte-lui mon stylo, tiens. Jeff, mon stylo, ça fera. Voilà, comme ça tu as tout. Les musiques qu'on passe. On t'a tous apporté quelque chose. C'est ma bouteille d'eau. Voilà, c'est bien, comme ça elle nous ramènera des cadeaux la prochaine fois. Jeff, dépêche-toi, viens t'asseoir. Est-ce que je peux raconter un truc, vite fait? Très vite. Ah, très vite, j'ai demandé au public s'ils avaient quelque chose à manger. Tout le monde m'a dit non, rien. 10 minutes après, t'as le jeune homme du premier rang qui sort à Kinder Bueno, qui commence à se manger en scred comme ça. Et il me dit, j'en avais qu'un. C'est pas grave, jeune homme, nous t'avons photographié. C'est la dernière fois. Voilà. Attention, voici les hallucinations du type. Vous avez été nombreux à nous les demander, on y retourne. Vous êtes prêts? Dans le groupe BTS, on entend « T'as du sopalin plein le cul ». Attention, ça va très vite, tendez l'oreille. On y retourne. « T'as du sopalin plein le cul ». Chez Drake, on entend « Bébé, là c'est tout, y en a marre ». Chez Drake, « Bébé, là c'est tout, y en a marre ». Ça passe. On refait. En mode particulier, c'est la mode. Dans Mon Style, je ne connais pas, on entend j'ai jeté mon bol sous leurs pieds. J'ai jeté mon bol sous leurs pieds. C'est qui trouve ça? J'ai jeté mon bol sous leurs pieds. Nirvana, on entend elle lave tes shorts sales. Oui, ça oui. Magnifique. Elle lave tes shorts tout sales. C'est tout sales. C'est un peu le haters. C'est tout sales. Oui, c'est vrai. Les shorts tout sales. Alors, dans Spectrem, je ne connaissais pas ce groupe. On entend, alors, on parle de l'animal, bien sûr. Bien sûr. On entend bébé, lave-toi la chatte floue. Pourquoi pas? Et tendez l'oreille. It's true, baby, let the light shine through. Bah oui, elle sera moins floue. Bah oui, elle sera plus nette, bien sûr, elle sera plus nette. Bébé, lave-toi la chatte floue. Baby, let the light. Et le dernier, Pink, c'est mon préféré. Pink, si vous tendez l'oreille, vous entendez un gars se fait sucer. Non, non, tu rigoles. C'est pas vrai. Écoutez bien. Bah c'est pas, c'est là, c'est là, les amis, je crois qu'il n'y a pas besoin de tendre l'oreille beaucoup. Hein. Il marche super bien, celui-là. Comment elle balance ta main.

C'est l'autre d'avant. Nous, on a fait mieux qu'avant. Ça marche pour les radios, ça aussi, des fois. Ouais, c'est pour moi, c'est l'autre, c'est le mec d'avant. Bon, en attendant, nous allons terminer par la dictée des gilets jaunes. À tout moment, je peux m'arrêter, le public vous méplaît les mots. Si le micro tombe sur vous, c'est une façon de parler, vous y allez. Faut que tu te couches, pousse par contre, Lucas, parce qu'on ne voit que toi. Attention, on y va. Les gilets jaunes appellent samedi à bloquer tous les points stratégiques. Stratégiques. S-T-R-A-G. Non, là c'est stragique. Hein. Stratégique. Stragique. Ah, bah S... Oh, je sais pas. Va faire un effort. Stratégique. S-T-R-A-G, l'accent aigu. Stratégique, pas stragique. Stragique, c'est le niveau d'orthographe pour l'instant. C'est stragique. Il est assez stragique, mais stratégique. Stragique. S-T-A. Stratégique. Je pensais qu'on allait faire tout le public, mais on va rester sur une personne. Là, c'est stagique. Là. Stratégique, ma chérie. S-T-R-A. T-E-G-I-Q-U-E. Il y avait un S, mais je te le mets de côté. On est bien, on continue. Stratégique à travers le pays. Ceci est une mobilisation générale citoyenne. Citoyenne. C-Y-C-Y-Citoyenne. C-I-T-O-Y-E-2-N-E. Bravo! Contre la hausse des prix du carburant. La circulation sera donc restreinte. Restreinte. R-E-S-R. Ce n'est pas ça. Restreinte. Kinder Bueno, ça. R-E-S-T. R-E. Tu comptes t'endormir entre chaque lettre I-N. Ou I-N T. I-N-T. I-N-T, t'es sûr. Restreinte. R-E. S T R E I N T E. C'est bon. Mieux vaut prendre les transports en commun ou le tramway. Tramway. T R A M W A Y. Bim, bravo ma belle. Attention à ne pas faire d'amalgame entre les contestataires et les automobilistes. Amalgame. A-M-A-L-G-A-2-M-E-S. Un seul M. Oui. Et les contestataires et les automobilistes lambda, lambda. L-A-M-B-D-A-S. Bravo. Le riz, il risque d'y avoir beaucoup de coups de klaxon. Klaxon. C-L-A. Klaxon. Allez, on n'aide pas, klaxon. Vite! K. Non, c'est pour te faire chier ça. K. K. L. Vite! K. L. A. C. Klaxon! Ça cloque. On y passera le temps qu'il faudra! C'est une cloque, ça sonne. Klaxon! Klaxon! K. L. A. X. O. Deux N. E. Ah non, il y a K. N. Il n'y a pas deux. On reprend? K. L. A. X. O. N. Magnifique. Les moins disciplinés, disciplinés. D. I. S C P. Je te ferai réveiller après comme mot. Discipliné. D I S C I. T'as remarqué, moi ils sont sûrs et plus la voix va doucement. N E S. Allez, c'est là-dessus qu'on va terminer. La dictée est finie, les amis. Dictée FM. Ceci dit, c'était drôle. Oh là là, un petit dernier, vite fait. Je veux un champion du monde du dernier. Allez, qui se sent chaud. Allez, ton prénom. Allez, le jeune homme, le prénom. Alexandre. Seul problème, les urgences vont aussi se retrouver bloquées. Il ne faut pas être hypochondriaque. Hypochondriaque. H-Y. P-O-C-O-N-D-R-I-A-Q-E. Et nous terminons sur un génie. Bien joué. On vous laisse avec toute l'équipe du Rico Show. On vous embrasse fort. Soyez prudents sur la route. Faites bien attention à vous. Amusez-vous bien. Si vous voyez des gens avec des gilets jaunes, soyez patients. Voilà. Si vous êtes gilet jaune vous-même, allez-y tranquillement aussi. Que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'accident. Je veux vous retrouver en un morceau lundi. Demain soir, l'émission dès 23h10 sur Énergie 12. Bisous tout le monde. On revient. Bisous. Ciao.